Ça va te taper la gapette dans le truc. À toi. Hein ? Bonsoir ? À toi, vas-y. Ah oui, d'accord. Il faut que tu commences. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Si, tu sais, tu fais le truc d'habituel. Tu dis, bonjour et bienvenue. Bonjour Ah oui, parce que bonjour, hein, il est 18h27. Il fait jour. Il fait jour, il fait chaud. Il fait beau. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Écoute, on le paiera. Et si c'est pas nous, ça sera nos enfants. Voilà, mais exactement. Quelqu'un paiera la note. Tout à fait. Croisant bien mon expérience. C'est bon. Ça, c'est les anciens qui disent ça. Bon, allez. Hey, mais allez. Bonsoir. Bonsoir. Kling. Klung. Petite gorgée. Hey. Alors vas-y, je meuble pendant que tu bois. Meuble pendant que je bois. Elle est très bonne, cette petite bière. Et nous voici de retour pour la troisième semaine consécutive pour l'épisode 12 de cette saison 3 de Road to Hellfest. l'épisode de la triplette. C'est ça. Le hat trick, l'épisode qui plaira à tous les fans du chiffre 3. Voilà. C'est ça. Dis-moi, Bob. Oui. Est-ce que cette fin de vacances a été bonne? Fructueuse. Et cette reprise pas trop dure? La reprise était pas trop dure. Ah, c'est déjà ça. Cette fin de vacances fut bonne. Tu me citais des chiffres justement avant qu'on enregistre. Quels étaient-ils? 5. Non, les chiffres 12, des gens à leur travail. 60% des gens. C'est pas 63? 63%? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. C'est qui donc? 60% des gens qui s'ennuient à leur travail, ça. Ah merde. Peux-tu nous citer ta source? J'en ai pas vraiment en fait. Mais si, t'as vu ça dans la formidable site internet de l'huile dans les rouages. Ah, voilà, c'est ça. Il faut faire toujours un peu de pub pour les gens qu'on connaît. Ça, ouais. C'est un peu d'ailleurs notre sponsor de cette semaine. D'accord. Donc, Nico, tu penseras à nous rembourser le pack de Grimbergen triple d'abbaye. Voilà. En tant que sponsor, nous te remercions. Donc, de l'huile dans les rouages pour tous vos besoins voyez ça avec lui. En qualité de ses efforts. C'est ça. Et de ses perceptions professionnelles sur la qualité de son travail. C'est ça. Voilà. Du coup, en dehors de ça, une bonne semaine Oui. Rien de spécialement neuf Non. Rien de spécialement neuf. Non. Et toi? Écoute, ma foi, de mémoire d'homme, non, pas grand-chose, une semaine plutôt calme. Rien de bien exceptionnel, mais bon, j'en ferai mon office. Ok. On attaque ? C'est parti. C'est parti avec les news. Je commence, si ça ne te dérange pas ? Si, mais bon, vas-y. Non, parce que la première, elle est marquée Jack, donc comme c'est moi. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, en fait. Ah, c'est juste j'entends ça. Bien. La dernière fois, j'avais mis Bob, et puis, toi, j'alterne un peu. Ah, sympa. Bon, j'essaie. Ah, c'est un bon principe, ça. Histoire que ça soit une émission dans l'équité. Ouais. Rien à voir avec le cheval. Ah oui, d'accord. Non, mais non, parce que je te voyais bien partir et l'équité. Prendre ta bombe et tout. Alors, Five Finger Death Punch, ou comme ils se font appeler FFDP, est déjà de retour en studio. Une bonne nouvelle pour les fans qui souvent n'ont jamais assez de FFDP dans leurs oreilles. Leur dernier album, Unjustice for None, est sorti en 2018, ce qui est assez récent pour le signaler, avec une certaine surprise. La vache ! C'est récent ! Est-ce que cette news te hype ou te laisse complètement inerte ? Je sais pas. Five Finger Death Punch. Ah ouais, quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'ils avaient des problèmes avec leur ancienne maison de disques, qu'ils ont dû sortir un best-of avant de se barrer. Et Injustice for None fut le premier album ressorti. Et là, donc chez la nouvelle maison de l'édition. Et là, bam, ils en ressortent un bientôt, quoi. Waouh! Puis ils ont eu des problèmes avec le chanteur, qui était un peu des soucis de lui-même. Waouh! Mais des trucs de dingo, quoi. Ouais. Non, pour de vrai. Voilà. Et Injustice for None est bien sûr une petite référence à Injustice for All, d'un petit groupe de la BRA de San Francisco. Ouais, c'est pas très connu. Non, voilà. Je te laisse la news suivante. Ok. Qui d'ailleurs m'a un peu surprise. Ah ouais? Bah oui, parce qu'elle a popé dans ma liste de news, c'est pas moi qui l'ai écrite. Dingue. Donc je... Ah, c'est chelou. Ouais. Par contre, c'est moi qui l'ai réécrite. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elle a manqué un petit peu de corps. Hein. Grand Magus, un groupe suédois qui sort un nouvel album. C'est un peu court. Salut. Voilà. Donc, Grand Magus, justement, qui est un groupe suédois. Ah, la Suède. Un pays que j'aimerais bien visiter. Encore plus depuis que ce week-end, où l'équipe féminine s'est illustrée dans le sprint classique par équipe lors des championnats du monde d'hiver. C'est fou. Et ça te hype, ça? Non, je m'en fous, mais c'est cool de le savoir. Cool. Une victoire sur la Slovénie et la Norvège, quand même. Mais quand même. S'il vous plaise. Principalement grâce à la vice-championne du monde, Stina Nilsson. Hmm. Et ça, classe. Bah, tu vois, c'est ça qui est bien, moi, j'aime dans cette émission, c'est qu'on apprend en s'amusant. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on s'amuse. Et puis bon, bah, je ne le retiendrai pas, mais ça me fait plaisir de l'avoir entendu. Bah écoute, t'as juste à le réécouter. C'est vrai ce que tu dis. Attends, j'ai une référence. Tout ça pour dire que la Suède, j'aime bien. Et que Grand Magus, le groupe de Doom Metal, sortira un nouvel album le 19 avril, de son petit nom, Wolf God. Hey. Et si jamais le cœur t'en dit, mon petit Jack, tu peux ainsi que tous les auditeurs de fait te faire une petite idée avec le titre Wolf God. Ah, c'est titre, le même titre. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fou. Qui est déjà à l'écoute. C'est vrai. Je l'ai vu sur Spotify, ouais. Mais je n'ai pas cliqué. Ah, d'accord. Mais je l'ai vu. Ah, d'accord. Donc, je peux atterrir que cette news est exacte. Merci. Est-ce que tu as toi-même écouté? Je fus. Et donc? Attiré par les... Non, oh. Oui, donc j'ai été écouté vite fait parce que ouais, ça commençait plutôt pas mal. D'accord. Donc je pense que ouais, j'irai écouter Grand Magus. Très bien. Et comme ça, on est entre nous, donc on peut se poser la question. Pourquoi cette envie de parler de Grand Magus? C'est juste que t'as... Parce que je l'ai vu comme ça et je me suis dit tiens, pourquoi c'est un groupe que je crois que j'ai déjà vu. Ouais, non, bah après. Ouais. Ça se trouve, t'en as fait une chronique dans un podcast passé. Peut-être. Tu vas savoir. Dans une vie antérieure. Antérieure. Quand à la base, c'était pas des podcasts, mais des signaux de fumée. Oui. Oh putain, ça devait être compliqué. Ouais, c'était assez dur hein, de mémoire. Ouais. Ah, j'ai des brefs comme ça qui me reviennent. C'est fou. Ah ouais, effectivement, ouais. Waouh. Tiens, on part de là et on arrive à tes vies antérieures d'Indien. Enfin, d'Indien, ouais. Je suppose, mais peut-être que je fais un cliché. Moche. Ouais, je m'excuse. Mmh, bon, j'enchaîne plutôt. Ouais, c'est pas bien. Une news mage. Il y a quelques numéros, je vous parlais de Lucifer Child, groupe de black metal progressif, avec en son sein George Emmanuel, guitariste de Rotting Christ. Eh bien, figurez-vous que le Rotting Christ annonce le départ de Georgie en le remerciant et en lui souhaitant le meilleur avec son projet Lucifer Child. Ma mise à jour concerne donc la bio du groupe. Lucifer Child est un groupe de black metal progressif avec l'ex-Rotting Christ, George Emmanuel. Voilà, c'était important pour moi. Je voulais... te préciser. Voilà, bah c'est important. Ah non, mais imagine quelqu'un qui écoute maintenant ma chronique et faire bah attends, oh. Ouais, ça colle pas. L'avantage, c'est s'il prend maintenant, je veux dire, du coup, voilà. Il sera bien. Il peut retourner en arrière. C'est ça qui est bien. Le futur passé. C'est beau. Et dis donc. Quoi? Ah bah, tu vois, pareil. Tu connais Combi Christ? Pauvre, pas trop. Non. Ouais, moi non plus. Ça ne m'étonne pas de toi en même temps. Tant que c'est pour du black metal, c'est vrai. Pas. Bref, je t'en dirai plus hein, sur ce groupe lors de ma chronique. En attendant, sache que le combo sortira son nouvel album le 7 juin, qui s'intitulera One Fire. Et que de plus, le groupe sera de passage cet été en France, donc pas uniquement que au Hellfest. D'accord. Et donc, je suppose que pendant cette chronique, tu pourras également nous dire si tu comptes aller voir le groupe ailleurs qu'au Hellfest, si par hasard un problème de running order ou autre. S'il passe à Nice, oui. Parce que tu vas en vacances à Nice? T'as envie d'aller à Nice? Non plus, non. Bon, bah vivement ta chronique. Bon, je pense qu'il est temps qu'on soit honnête 2 minutes. Disons plutôt... On va être honnête le temps de cette news. Après, on redeviendra les faux culs hypocrites que nous sommes. C'est ça. Mais là, on va être honnête. L'année 2018 fut un peu compliquée pour Machine Head. Entre la sortie d'un album Catharsis semi-bien accueilli, ou semi-mal, selon le côté où l'on se place, qui comprenait pourtant son lot de bons morceaux, bien que trop long sur l'ensemble, et avec une reprise de Strapping You Lad mal cachée. C'est bien. Ouais. C'était le morceau. Le départ de Phil Demel et Dave McCain à cause de l'ego de Rob Flynn est sur le moment une presque annonce de la fin du groupe. C'est vrai que c'était un peu une année compliquée. Donc, le père Rob, qui n'a plus qu'un bassiste à ses côtés dans son groupe de deux, a décidé de retourner en studio. Et c'est selon moi la meilleure nouvelle du groupe que j'ai entendue depuis longtemps, en espérant que ce qui sort de cette catharsis soit meilleur que la précédente. T'as vu ? Parce que j'ai... Pas mal. Par contre, c'est vrai que c'était une année compliquée pour Machine Head, mais en concert, ils ont quand même assuré des shows de 3 heures à chaque fois. Donc, voilà. C'était sympathique. C'est-à-dire, on était quand même les premiers à sortir de la salle plutôt que le groupe pour aller prendre des pauses. Donc c'est vrai. Non, non, c'est... C'est bien. Je pense qu'il fallait le... Le préciser. Oui. C'est normal. J'entends bien. C'est sympa de ta part. Voilà, voilà. Très bien. The Damn Things. Oui. Quoi est-ce que c'est donc ? C'est un petit groupe. C'était number one. Sortiront leur deuxième album le 26 avril. 26 avril. Oui. Ouais, est-ce que je mets un T à la fin d'un 6 ? Oui. 26 prochain, et il se nommera High Crimes. Oh. Et le titre Cells est déjà à l'écoute. C'est vrai, je l'ai écouté, moi. Une petite voix dans mon oreille me glisse que ma news manque un petit peu de contenu, de corps et de bouquet. Ouais, news manque un peu de contenu. D'accord. Eh ben, on va en rajouter un peu, alors. Voilà, voilà. Donc, j'ajouterai que The Damn Things est ce qu'on appelle chez Route to Elfèche. C'est nous. C'est, voilà. C'est nous. Ou, comme on aime l'appeler dans la chaufferie, un super groupe avec à son bord le chanteur Kiss Buckley d'Every Time I Die, le bassiste Dan Andriano de Alkaline Trio, le guitariste Joe Troman et Andy Hurley de Fall Out Boy, et un certain Scott Ian à l'autre guitare. Ouais. Bah, compléter un peu, c'est un mec pas très connu. Non, bah, de ce que je sais, il est plutôt guitariste rythmique. Ouais, c'est depuis, ça, ouais. Depuis toujours. Ouais. Mais il a plutôt une bonne rythmique. Ouais, ça va, ouais. Ça va, il est... Ouais, j'ai eu l'occasion de... Ah, c'est ça, je voulais poster un clip. Bon totalement con, mais alors, j'étais mort de rire. Bah, c'est pas un clip. Ils ont de l'humour, les mecs, enfin, ils ont de l'autodérision. Le clip où ils meurent tous ? Non, ils font une espèce de... C'est une espèce de super pouvoir avec leur guitare... C'est The Damn Thing. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Ah, donc, ouais. Ouais. Oui, parce que... Ouais, bah, justement, j'ai vu Scott Ian. Qui, du premier album Du premier, je ne sais plus. Parce que dans celui-là... C'est un morceau que j'ai vu sur YouTube, donc... Dans celui-là, ils font un barbecue, puis ils se brûlent, et puis ils ont des problèmes en studio, et ils meurent. C'est pas celui-là. Ah ouais. Non, parce non, que, non, c'est un autre titre. Parce qu'en fait, dans le premier album, c'était pas tout à fait la je même... Je le posterai à la rigueur. D'accord. C'était pas tout à fait la même composition du groupe. Ouais. Il y a des membres qui ont un peu... Donc The Damn Things, c'est un peu heavy metal stoner. C'est un mélange quoi, qui passe très bien. Ouais. C'est... Oui. C'est plutôt calme. Hein. C'est plutôt ça passe partout. C'est pas trop énervé, mais c'est cool. Mais c'est assez groovy. C'est vrai c'est ça... cool. Ouais, c'est... Non, c'est sympa. C'est sympa. Ouais. Donc, je pense qu'on ira avec de la rigolade. On ira, oui, ouais. Avec un peu d'autodérision. Bah, c'est, en fait, c'est souvent l'intérêt d'avoir un super groupe quand tu es déjà dans des groupes bien c'est établis. Ça, ouais. C'est que tu ne te prends pas la tête. Peu, voilà, tu te détends et tu y vas. Tiens, je fais une petite aparté parce que j'y repense. Il y a quelques temps, on avait parlé qu'il y aurait bientôt du nouveau sur Mastodon. Eh bah, bien, non. Exact. Mais merci de le préciser. Ouais, non, mais ça vient de me... Ouais, c'est vrai sympa. Ça n'était pas arrivé. Oui, c'est ça. Petite news rapide, parce que pas une semaine ne passe sans que nous en fassions la promotion, mais un nouveau titre, le troisième extrait du futur live de Zillen Ardor, Cut Me, toujours intitulé Live in London, ou l'inverse, hein, du futur live de Zillen Ardor, Live in London, intitulé le morceau Cut Me, est toujours prévu pour le 22 mars. D'ailleurs, je tiens à préciser que selon mes sources, non vérifiées, ce sont tous trois titres inédits. Plutôt sympa comme démarche que de... Que de partager. Ouais, et de balancer des inédits directement plutôt c'est que ça, ouais. De jouer sur. Ouais. Genre, il avait fait Devil It's Fine en live et puis oh, il marche bien ce morceau. Ouais voilà. Ouais. Et ben non. Non, non, pas c'est là. Vrai qu'ils sont sympas. Ils sont comme ça, moi j'ai envie de te dire. C'est vrai. Il est sympa, Manu. Une petite dernière news. Oh, une dernière news qui nous avait un peu échappé, mais que vous voulez, nous pouvons pas être au comptoir devant la PS4 et suivre toute l'actu. Tu faisais le mec un peu bourré là ? Non, non, non. Le 1er février, bourré. Le Mutu Kultur a balancé son warm-up tour à lui, à savoir 7 villes, 7 dates et pour 7 soirées. Ça fait 777, qui est un chiffre. Du démon inversé. Les festivaliers comme. Les festivaliers. qui veulent venir. Les festivaliers aussi, hein, éventuellement. Mais les festivités, plus précisément, commenceront le 25 mars à Lyon, le 26 à Toulouse, le 27 à Bordeaux, le 28 à Limoges, le 29 à Paris, le 30 à Lorient et le 31 à Nantes, au Ferrailleur. Hey. Donc je précise bien, hein, c'est mars, on est oui, d'accord. On est sur Mars. Ouais. On est sur Mars. Ouais, c'est pas faux en même temps, souvent même. Donc voilà, le 31 à Nantes au Ferrailleur. Bien sûr, et pour toutes ces soirées, des t-shirts exclusifs Mutokultur Night Fever, des passes 4, 3 et 1 jour à gagner, des cadeaux collecteurs, des goodies et bien sûr deux concerts, Angelus Apatrida, groupe de thrash metal espagnol, et Transat, groupe de metal progressif de Brest, qui font bien sûr partie de Black Desert Record. Ah bon ? Oui. Vous savez pas ? Bah si. D'accord. Avec nos amis de Missing Mile, Ale Royce. Oui. Eh ben, en parlant de ça, il y a... ça non plus, je ne l'ai pas dit dans la news, mais il y a le Peeper Festival qui est ce week-end. Le Peeper Festival bah, le, non, le... Ouais, c'est oh, ça, ouais. C'est le Peeper. Ouais, non, Peeper, ouais, je crois. Ouais, mais ça doit être mieux dit chez eux que je le fais. Ah ouais. À ou Pépé, pas. Peut-être le Pépé. Non, c'est le Peeper, mais c'est... Peeper. Mais donc, ça sera ce week-end. Hein. Ça, c'est la flûte, ça. Pourquoi ? Bah parce qu'on n'y avait pas pensé, qu'on n'en a pas parlé. Mais c'est ça. Alors, c'est le Peeper Rock Fest. Ouais, c'est ça. Qui c'est qu'il y a donc ? Eh bah, ben, dès que ça va bien vouloir, on va pouvoir... Où c'est que c'est-y ? C'est à Portobello. Bello, à Hérouville. Ouais, mais c'est le nom, il est comme ça qu'on dit ? Portobello. Je ne vais pas dire de conneries, je n'ai pas envie de confondre avec une ville du... Et au pire, on n'en reparle pas. Voilà, au pire, attends, on n'en reparle pas. Ou alors, tu le postes sur la... Sur la page, dès qu'on aura des news, dès qu'on aura retrouvé la Wi-Fi. Alors, c'est pas la Wi-Fi qui merde. Ah, attends. Bouge... The Pirate. Alors, non, attends. Non, c'est parce que... Du coup, tu le fais, alors, le truc de Pirate ? Ah bah, je vais pas le faire sans mes amis, moi. Ah bah, d'accord. Alors, le Peeper Rock Fest au Portobello Rock Club à Caen, comme je l'avais dit, pour ça... Sixième édition, le 1er et 2 mars 2019, donc c'est le week-end prochain, donc faut y aller. Hein. Bah oui, faut y aller. Et dans les groupes, il y a Sweet Needles, RRRR. Est-ce que j'ai pas. C'est le rap de Ronald Reagan. Non, est-ce que j'ai pas un peu plus d'infos, de news ? Moi, je ne sais pas lire le braille. Ça, c'est un problème que j'ai. Mais surtout sur ton téléphone, c'est pas évident. Ah non, mais putain. Mais non, mais écoute, on mettra... Enfin, attends, il y en a, le premier, je sais pas. Donc, Sweet Needles, Near Death Experience, Over the Top, Red Sum, Atacama, Bangkok Riviera, Fuzz Theory, Where is Kebab, Tritium et Plain Tate. Plain Tate. Voilà. Plain Tate. Quoi ? T'aimes pas mon accent ? Ah si. Je veux bien que tu juges. Ah, je le sens. Donc, comme souvent, on est toujours en train de dire que les initiatives sont bien, donc faut y aller, allez-y, vous n'y croiserez peut-être ou peut-être pas, c'est la surprise, mais en tout cas allez-y, c'est voilà. Important, c'est bien, voilà, je te prends une belle initiative que d'y aller. On et, bien et surtout si vous nous croisez là-bas, n'hésitez pas à nous payer des verres. Ouais, voilà, c'est plein, parce que, éventuellement je veux dire, on a quand même Road to Hellfest, je veux dire, c'est pas rien, donc hein. À un moment donné on est à notre troisième saison, je pense que vous vous rendez pas compte, et on est à notre troisième épisode de suite, quoi. Alors on peut tenter un quatrième la semaine prochaine, mais on ne garantit rien, c'est ça, ça dépendra de vous les gens. Ouais, faut pas non plus croire que tout vous est acquis comme ça. C'est vrai, c'est ça, bien est acquis qui à qui c'est bien mal quand, pense tu l'as plus, bah tu peux plus en profiter. Exactement. Voilà, qu'est-ce que tu dirais de passer aux news Hellfest? News Hellfest, ouais. Peu de news cette semaine et pourtant elles sont arrivées. Belle formulation, j'aime beaucoup. On fait une sur deux, ça te va ? Oh, bon, je sais pas. La mise en vente des passes un jour a été lancée le mercredi 20 février à midi. Ça, vous le saviez déjà parce qu'on l'avait dit la semaine dernière, mais du coup, que quand vous alliez le voir, ben, c'était déjà fait. Tout ci, tout ça. Et comme attendu, moins d'une heure plus tard, les 3 fois 5000 passes, soit 5000 passes par jour, ont été vendues. C'est donc officiel de chez officiel, le Hellfest 2019 et sold out de chez sold out. Donc, on rappelle vite fait, on pouvait commander deux passes journée par personne. Ouais, c'est ça. Donc deux passes vendredi, deux passes samedi, deux passes dimanche. Pour une valeur de 105 euros la journée. Hmm. Ça, je dis pas de bêtises. Hors frais de location. Voilà. Je crois. Donc, beaucoup de déçus à travers les commentaires qu'on a pu voir. Comme pour les 55 000. Exactement. Donc, des gens qui étaient connectés depuis 11 heures et qui attendaient, qui étaient déjà en file d'attente. À titre d'info, Julien, qui suit notre podcast, a réussi à avoir un billet pour vendredi. Donc, il avait déjà un billet pour le Knotfest, donc il est content. Bah, c'est cool. D'ailleurs, on va peut-être faire un truc pour les quartettes. Ah ouais, d'accord. Parce que comme du coup, il restera pas longtemps, et ben, peut-être qu'il va la prendre avec moi. Comme ça, le jeudi et le vendredi, il me file 50 balles. Comme ça, je suis tout seul le reste du temps. Ok, d'accord. Pas mal. Hein? Alors... Oui, non, mais fais pas les choses dans le désordre. Je veux dire, faut. Bah oui. C'est pas. Ah oui, non, bien sûr. Donc, voilà. Tu m'as perdu, moi. Donc, voilà. J'en suis où ? Comme on avait annoncé, ça allait partir très, très vite. C'est parti très, très vite. Ça a, par contre, pas tellement joué sur les places du Knotfest. J'ai pas eu l'impression pas vraiment, de. Non, il n'y a pas eu plus de. Bah, en tout cas, ils l'ont pas annoncé. Et on en est donc potentiellement toujours à 80% des places vendues. Ouais. Je te laisse la news suivante. Ok. D'ailleurs, une news, je ne sais pas toi, mais moi, je ne l'avais pas vue. Celle que je vais citer sur ce... Ouais, voilà. En marge de la mise en vente des passes un jour, le Hellfest a annoncé les deux derniers groupes venant compléter l'affiche de la vallée. Non, je ne l'avais pas vue, exactement. Elle était dans le truc de mise en vente. Juste quand tu appuyais sur suite, c'était marqué. Ah oui, d'accord. Elle était cachette. Moi, je l'ai vue sur... Parce que quelqu'un a partagé Acid Kid. Je sais plus sur quoi je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Un partage, je crois. Ouais, moi, j'ai vu sur la page de Hellmember, quelqu'un qui a mis Acid Kid qui vient et tout. Je me suis dit, putain, mais ils ont vu ça où ? Ouais. Donc, voilà. Bah oui, mais du coup, si tu prends pas un billet à la journée, enfin, je veux dire, si tu t'en foutais, t'avais pas l'info suivante, quoi. Non, mais c'était. Fallait juste cliquer sur suite, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, il s'agit donc de Acid King. Je viens de le dire, groupe de stoner metal originaire de San Francisco, formé en 93, par leur bon soin, et The Young Gods, groupe de rock électronique suisse originaire de Genève, formé en 85. Ouais, donc c'est pas des tout jeunes. Ben non, pour des et Young Gods. D'ailleurs, leur dernier album est disponible en écoute un peu partout, d'après ce que j'ai pu voir. Alors, c'est encore deux groupes que je connais pas, pour ma part, et que nous n'ajouterons pas au tirage au sort, pour des raisons techniques et de complications. En fait, j'ai peur. Alors, peut-être qu'il y aura un super technicien qui nous écoute, qui dira oh, il est con, je m'en fous. j'ai peur qu'en ajoutant. Je croyais que tu allais dire qu'il pourrait nous dépanner. Non, j'ai juste peur que si j'ajoute les deux noms, ça réinitialise tout. Ah, bah oui, c'est ça. Donc, dans l'idée, non, tant pis. Bah, écoute, on les écoutera en dernier. En dernier, ou on les mettra à un moment donné. Ils sont arrivés en dernier en même temps. Quoi ? Mais je dirais, ils arrivent en dernier, ils vont pas passer. Non, mais oh. Prioritaire comme ça. Mais les mecs, ils arrivent comme ça. Oh. Ouais, c'est clair. Ah bah attends, ça va. On a commencé par les 5 premiers annoncés, on va terminer par les 2 derniers. C'est là comme ça que ça marche. Et bim. Est-ce que t'as déjà été un peu écouté ou pas ? Je connais en fait Acid King et je crois que je les ai un peu vus de leur passage sous la vallée. Ou alors c'était sous la Terrorizer Tente. Je ne sais plus. Et de mémoire ? De mémoire, je ne sais plus en fait. D'accord, très bien. Mais ouais, je connais un peu Acid King ouais, avec leur chanteuse atypique. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Donc, news qui a un petit peu popé hier, mais que je me suis aperçu juste par hasard tout à l'heure. Oui, j'ai vu ça aussi tout à l'heure. Bob, est-ce que par hasard, tu chercherais pas un billet pour le Hellfest 2019 Ou alors, peut-être que bien équipé par la vie, tu as déjà un billet, voire tu en as même en trop et tu souhaiterais les revendre en toute sécurité. Bah, j'en ai à peu près 10, donc je pourrais en revendre éventuellement. Est-ce que tu voudrais les revendre en toute sécurité ? Non. Tu veux arnaquer les gens et... Complètement. Bon, je comprends. Donc cette news ne te concernera pas. Pas du tout. Allez, salut. Pour tous les autres, tenez-vous bien à votre slip, parce que du coup, j'avais marqué « Tiens-toi bien, ton slip. » Donc, tenez-vous bien à votre slip, vos strings, vos tangas, vos shorts, pénis, je tenez tout ce que vous voulez. Parce que c'est grâce au site www.ticketswap.fr, donc TICKETSWAP.fr, seul et unique site de revente approuvé par le Hellfest. Tout est expliqué sur le site du Hellfest à la rubrique Ticket Swap. C'est une question qui revenait souvent à tous les déçus ne souhaitant pas dépasser le tarif normal pour un billet, ce qui est quand même tout à fait normal. C'est clair. Un billet du Hellfest, c'est déjà une certaine somme. On n'est pas là pour faire gagner de l'argent aux gens qui ont arnaqué un peu le système. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à aller s'inscrire, je suppose, comme fallait faire avant, et prier le grand dieu du métal que si ça marche comme l'ancien site, donc à savoir Digitik, je crois, de mémoire. L'ancien, c'est Digitik, ouais, c'est ça. Donc, tu t'inscrivais aux alertes, tu recevais l'alerte, et c'était au premier arrivé, premier servi. Ouais. En général, pour l'avoir déjà testé, nos billets sont partis en 5 minutes. Même pas. Ouais. J'ai même pas reçu le mail d'accord ou je sais pas quoi, de mise en vente, que le pass était déjà vendu. Voilà, donc ça... Donc, c'est bien, parce que c'est vrai que ça fait un moment que les gens attendent d'avoir quelque chose de sécurisé pour revendre. Et pour tous les malheureux qui espèrent encore avoir un billet. Donc voilà, c'est bon, c'est officiel. C'est une nouvelle association avec le Hellfest et un nouveau site, en espérant que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis. C'est une réponse de plus au marché noir et aux problèmes. Voilà, tout à fait. Je te laisse. La news du jour, la news brûlante. Ouh. Oh, j'étais juste en train de... détourner un petit peu l'attention pour... Le côté brûlant, c'est juste parce qu'elle est récente. Tu vois, c'est ça. Tout chaud, c'est tout chaud. Tu vois. Oh, une patate chaude. Ouais, ok, d'accord. The Voice of Hell 2019 powered by riffs.fr. C'est vrai. Toi, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Ou, comme j'aime à l'appeler, le tremplin du Hellfest, qui, je le rappelle, de P, de L, permettra aux gagnants de jouer en main stage. Putain, de tu le dis ventre. Tu manques de rythme. Ah, pardon. Bah oui, regarde, qui, je le rappelle, de P2L, permettra aux gagnants, tu vois, c'est pas bam. C'est du ping-pong avec toi-même, mec. Ok. Voilà, alors, écoute, parce qu'il faut... Qui, je le rappelle, t'imagines une table de P2L, permettra aux gagnants de jouer en main stage 2 le vendredi 21 juin. T'es en train de jouer avec toi-même, tu te fais le service et puis tu te réponds. À la Forrest Gump. Voilà, complètement, voilà, ça c'est une bonne référence. Et tu fais tac-tac, qui, je le rappelle, de P2L, tu vois, c'est bam bam bam. Bon, vas-y. La famille Adams. Donc, ça tombe bien, c'est l'un des trois jours du Hellfest, dis donc. L'inscription ouvrira ses portes le vendredi 1er mars et c'est très facile tant que ton groupe ou ta formation musicale s'inscrit dans le panel des musiques extrêmes. Tu peux venir t'inscrire. C'est vrai. C'est sûr que si tu viens avec ton accordéon... Le mec qui fait de l'accordéon cette année au Metal Corner. Au Metal Corner. Bah, on en a parlé. Ah, c'est pas au City Square. Non, c'est pareil. Ah, d'accord. Après ça, au nombre de voix que ça va se jouer. Hein, après, c'est vraiment ça. Hein, c'est au nombre de voix que ça va se jouer. Et donc, comme je t'ai court-circuité pendant que tu parlais... Je vais la refaire. Oh. Oh, putain. Oh, merde. Bah, vas-y. Non, attends, on va avoir 2 heures d'émission. Non, bon, alors au bout de 20 minutes, ça permettra juste aux gagnants de jouer en Main Stage 2 le vendredi 21 juin. Voilà. Ça tombe bien, c'est l'un des trois jours du Hellfest. Ah, oh, c'était une bonne blague. Bah ouais. D'accord, voilà. Donc, c'était les quelques news de cette semaine. Bon, autant commencer à vous prévenir, quand on arrive à ce genre de news, derrière, il risque de ne pas y avoir grand-chose avant un petit moment. Ça dépend, on est bientôt mars, avril, mai, juin. On y est bientôt, hein, les amis. C'est vrai ce que tu dis. Ça passe du vite quand même. Bah ouais. Enfin, en même temps, s'il y a une émission quasiment toutes les semaines, il va quand même falloir dire des choses. Ah bah attends, on n'est pas sûr. Que bah, qu'on fasse une émission toutes les semaines. Non, on a un minimum qui est forcément prévu. C'est, bah, j'ai pas lu le contrat, moi, du coup, on fait comment? Bah, déjà, il faudra revoir ça avec Nico, le sponsor. Bon, bah, Nico, écoute, tu peux m'envoyer ça, hein, par mail, ce sera plus simple. Voilà, c'était tout pour la partie Hellfest. On va passer maintenant au News Knotfest. Pas mal. C'est ta partie. Hein. Knotfest. Ah bah, d'accord. Attention. Attends. Ah ouais. On va maintenant passer à la partie news Knotfest. Ah, on sent le mec qui écoute du black metal. Oh, je suis blackeux. Hein. Ah, je suis blackeux. C'est ça. Tu écoutes du black. Non, bah, non, mais lis le truc. Parce que tu... Ah oui, d'accord. Ah bah, je t'ai écrit une petite bafouille. Oh, une petite bafouille. C'est mon ultime bafouille. Non, mais tiens. Alors, attention, 80% des places vendues pour la première date du Knotfest en France, en partenariat avec Hellfest. Toujours 10 groupes pour ce mini-festival, 5 groupes américains, 5 groupes européens. Ça, on l'a répété moult et moult. Bon, on va le répéter en tout 10 fois, bouchons. Je pense. Ouais. Non, cette semaine, c'est au tour de Amon Amarth. Qui c'est que c'est-il donc? Amon Amarth? Ouais. Ben, c'est un groupe de death metal symphonique. C'est ça. Sortez vos cornes, jeunes gens, et levez-la vers le ciel, car aujourd'hui, on va parler d'Amon Amarth, qui est un groupe de death metal mélodique suédois originaire de Tumba, et formé en 92. Rien que ça. Tumba, le petit ourson. Ouais. Oh, je suis désolé. Non, bah des fois, il faut... Il faut. Hein. Non, mais tu sais, je l'avais. Ouais. Je dis, c'est nul. Il faut que je la fasse quand même. Je m'excuse. Tumba, oui. Fini le podcast tout seul. Là, ça va être chaud. Donc, formé en 92. Le groupe émerge de l'ancien groupe Skoum, fondé en 88 par Paul, Olavi, Nico, Petri et Vesa. Vesa, je ne sais pas. Le groupe joue à l'origine de la musique folk grindcore après une démo enregistrée. Ouais, on est bien, d'accord. Après une démo enregistrée en 91, le groupe est rejoint par le grand Johan au chant. C'est vrai, il est grand. Anders à la guitare et Ted à la basse. Je suppose donc que les autres sont partis. Oui, alors, parce qu'ils sont pas 20. Donc c'est bon. Voilà, c'est ça. Ah, oui, bah. Une première démo sous le nom de Amon Amarth en 93. Ah, point. J'aime pas finir mes phrases. Attends, je vais la faire. Une première démo sous le nom de Amon Amarth en 93. Je suis sûr que si je faisais vraiment du montage, on aurait peut-être un truc qui ressemble à quelque chose. Ouais, peut-être, ouais. Je ne sais pas. Le nom du groupe signifie montage du destin. Montage du destin. Non, montagne. Ouais, montagne. Pardon, du destin. Excusez-le. En Sindari. La fameuse langue construite par le philologue et écrivain J.R. Tolkien. C'est ça. Et montagne du destin, c'est aussi le surnom de... À la base, c'était de ta, mais c'était pas... C'est de ta. Vas-y, ressors, vas-y. Je te laisse dans ta merde. C'était une petite blague grivoise. Oh bon, c'était... Oui. Forcément, si toi tu t'arrêtes de chaque truc, mon... hein, t'es aussi sur mon deux. Vas-y, non mais écoute. De quoi? De ta voisine? Montagne du destin, c'est aussi le surnom de... Pardon, c'est de ma. Et comme ça, ah, t'as pas marqué? Bah, je m'excuse. C'est de ma. Oui. Ah, ça aurait été plus clair. C'est vrai. Ça aurait été plus clair. C'est aussi le surnom de ma... Voilà. La démo n'a jamais été commercialisée à cause de la faible qualité audio. S'ensuit une autre démo, puis un mini-album, puis 10 albums. Ouais. Entre deux, vers 2008, avec la sortie de Twilight of the Thunder God, le succès, car l'album atteint plein de classements différents, mais des trucs sympas, genre classé tant, et là, classé tant, et puis là, classé tant aussi. En 2018, un album live venu fêter 25 ans de carrière sous le presque signe du Viking, et il semblerait qu'un nouvel album soit attendu pour le printemps 2019, qui, selon les températures actuelles, est déjà là. Ouais. Le printemps. Hein, le printemps. Sûr, d'ailleurs, je pense que c'est quand même le moment de le dire, il n'y a plus de saison. Non, mais c'est ça. Je veux dire, mais on va le payer. Mais... si c'est pas nous, ce sera nos enfants. C'est marrant, ça. J'ai un sentiment de déjà vu. C'est on sait plus quoi raconter du coup. Donc le groupe est souvent cité à tort comme faisant partie du mouvement Viking Metal, déjà du fait que le chanteur ressemble à un grand viking forcément, hein, avec une corne à la ceinture. Les autres membres du groupe ne font pas forcément défaut. En plus, les décorations scéniques clairement s'inspirent de l'univers viking, hein, les drakkars, tout ça forcément. De plus, les thèmes des morceaux sont liés aux vikings et à la mythologie scandinave. Bien sûr, pas la mythologie mexicaine, parce que du coup ça serait un peu... Il n'y a pas beaucoup de vikings au Mexique. De mémoire. Mais les membres du groupe rejettent l'appellation viking metal. Et pourquoi, me direz-vous? Pourquoi? Parce que c'est pas ça. Tout simplement parce que le viking metal est en réalité un sous-genre dérivé du folk metal. Et oui. Et ça, vous ne le saviez peut-être pas. Eh ben, vous le saviez maintenant. Maintenant. Et si ça ressemble à du viking, Ça a le goût du viking, potentiellement aussi l'odeur. Pourtant, c'est du death metal mélodique. Et oui. Voilà. Et je trouve, pour ma part, que je préciserai que ça, sur c'est très présent le côté death metal, surtout sur les 3-4 premiers albums. Après, à un moment donné, ça switch un petit peu. Moins, et du coup, ça fait un peu plus penser à ce qu'on pourrait imaginer être du viking metal. Mais apparemment, c'est pas ça le viking metal. Ça reste du folk metal. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation d'Amon Amarth. Ça m'a fait plaisir. Et qu'en as-tu pensé de ce petit groupe ? C'est sympathique. D'accord. Ouais. C'est sympathique, ça s'écoute joyeusement. Avec la corne pleine de bière. Ouais. Levée vers le ciel. C'est ça. Hein, direction de Thor, Odin. Ah merde, non, du coup. Bah non. Mais pour ma part, je les avais vus en première année du download. Et je connaissais très peu, parce que je connaissais le nom, mais déjà j'avais été surpris de savoir qu'ils étaient aussi que ça remontait aussi loin. Je pensais que c'était plus récent comme groupe. Et j'avais trouvé ça vachement bien en live, mais j'avais pas été autant subjugué que je l'ai été cette semaine en écoutant. Là, j'ai vraiment ultra kiffé. Alors, c'est peut-être le temps aussi. Moi, c'est pareil. Je connais d'avant, j'ai jamais été écouté. Là, depuis quelques temps, j'écoute un peu. Parce qu'il y a des morceaux qui passent sur certaines playlists, ça m'a bien plu. Donc, du coup, j'ai voulu approfondir un petit peu le sujet à Amon Amarth. Et ça me plaît pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Je pense, de tous les groupes qu'on a écoutés du Knotfest, c'est celui qui me fait le plus envie, là. Qui te hype. Ah ouais, c'est celui qui me hype, quoi. Autant Belphégor. Ouais, Behemoth. Pareil, Autant Behemoth, j'ai envie de voir pour la prestation scénique. Ouais. Amarante, j'ai envie de mourir. Ministry, j'ai pas envie. Mais j'ai envie, quoi. Ouais. Vraiment, On était passé pas loin quand ils sont passés au Hellfest 2015-16, je sais plus. J'avais dû les revoir de loin. Enfin, je sais que je les avais vus au download de la même année, donc j'étais pas en mode je veux les revoir, machin. Je sais qu'on les a vus. On les avait vus ? On les a pas vus, on s'est pas arrêté. Non, on les a vus de loin. On est passé, certainement qu'on cherchait à bouffer. Sûrement. Ce qu'on fait à peu près les trois quarts du temps quand on fait le fest avec Jack. Vas-y, on passe par là. C'est les odeurs. C'est les odeurs. Quelque part, très bonne surprise que d'avoir pu approfondir parce que je suis vraiment content d'avoir. En plus, je trouve qu'il y a un petit côté. Il y a un côté épique, mais joyeux, qui met un peu la banane quoi, quand tu écoutes certains trucs. Donc c'est assez festif. Ouais, complètement. Ouais. Donc, alors, pas festif, on n'est pas sur Trollfest ou des trucs comme ça. Mais, t'as le côté pas franchouillard, mais. Ça emporte bien. Tu lèves ta corne avec tes amis. Ouais, voilà. Donc, une très très bonne redécouverte, on va dire. Ouais. Voilà. Très bien. Je te propose de... Allez, putain, là, mon gars, on enchaîne. Comme jamais on a enchaîné. On commence à savoir. À trouver notre rythme. Ah, c'est ça. On est à 37 minutes. Sérieux ? Ouais. Punaise. Enfin. Ça se trouve, on va réussir à aller en dessous des 30 minutes à la fin, quoi. Ça va être trop bien. Tout ? Ouais, tout. Ça va être vraiment expéditif. Je te propose de commencer les chroniques. Oh, ben là, ils vont. C'est le moment de commencer les chroniques. Qui de nous deux commence ? Oh putain, ça me dit quelque chose. J'ai hésité. J'ai eu un Roland et j'ai dit non, le fais pas. Ah, ah. Qui commence ? Tu fais des très bonnes batteries d'ailleurs. Vas-y. Ok, très bien, j'étais pas prêt, mais d'accord. Je sais pas par quoi commencer. Je vais commencer par Icebreaker. Comme ça, j'ai retiré cette écharpe que j'ai dans le doigt. Ah, dans l'œil, dans l'oreille. Donc Icebreaker, je sais pas comment on dit. Ouais. Je m'en fous. C'est ça. Est un groupe de Neudeutschharten. Mais bien sûr. Et de métal industriel allemand. Qu'est-ce que le Neudeutschharten ? C'est ça. Eh bien, c'est un sous-genre musical du heavy metal qu'on appelle plus souvent de la dance metal. Amarante. Un peu, du coup. Icebreaker donc est originaire de Furstenfeldbruck. Ah, c'est ça que tu m'as fait écouter. C'est tu ça m'as dit, écoute ce morceau oui. que j'ai rigolé. J'étais en plus en posture pour bien rigoler, ouais. Ok. Il est formé en 2002 par deux anciens membres de Megahertz. Ah ouais, tu m'as fait peur. À ne pas confondre avec Megadeth, ce n'est pas la même fréquence. Megahertz était déjà un groupe de No Dutch Dance Metal et qui avait déjà connu un succès non négligeable en Allemagne et aux États-Unis. C'est donc Alex au chant et Noël à la guitare, programmation, qui sont chargés de rebâtir ce nouveau groupe allemand qui espère qu'avec la popularité de Rammstein, qu'on ne présente plus de Falco, chanteur pop, rock et rappeur autrichien, et de Nena, une auteure, compositrice, chanteuse et actrice allemande, devenir le prochain grand groupe allemand aux États-Unis. C'est ce qu'ils voulaient faire. Hein, ce... voilà. Après, ouais, c'est... Enfin, à la base, Rammstein, c'était pas gagné. Hein. Non, mais après, c'est trois trucs-là. Quoi. C'est d'accord. Très... ouais. C'est... Enfin, c'est... Ouais, c'est bizarre. Donc, Age Brecher, et donc, avec... Oh, pardon. Et donc, un groupe allemand. Putain, je sais pas comment démarrer. Et c'est donc avec quatre autres copains que leur histoire commence. Le bilan, aujourd'hui, est de 7 albums studio, un best-of non officiel, c'est-à-dire sans l'accord du groupe, et qui n'aurait choisi aucune des chansons présentes sur... la compilation. Et à noter également que les 5000 premiers exemplaires de leur premier album contenaient un CD vierge pour accompagner le disque avec une autorisation de graver légalement les chansons. Le groupe a fait cela en guise de manifestation sur ce qu'il considère de la criminalisation des fans. Pas facile à dire. Non, c'est vrai. Donc ça, c'est plutôt un geste qui est sympa pour le côté de dire... c'est pas faux. C'est pas... voilà, c'est rien de dire aux fans de pas graver, machin, vous êtes tous des cons. Hein. Et en même temps, assez rock'n'roll. À côté de ça, donc, moi, ce que j'en ai pensé, à la base, j'aime bien Rammstein. Je trouve que c'est un bon groupe. Ouais. Du coup, je vois pas l'intérêt d'écouter un sous Rammstein pas bien. Ouais, je suis assez d'accord voilà, avec toi-même. Je vois pas l'intérêt, parce qu'en vrai, donc, ce que je t'ai fait écouter, toi, ça t'a fait rire. Oui. Alors que moi, en fait, tout de suite, ça m'a fait penser à du Rammstein, mais sous-produit. Complètement. Mais après, c'est vrai que du coup, ça rentre dans le côté métal industriel. Mais le fait que ça soit chanté en allemand, que le chanteur donc, de Icebreaker reprend un peu la même voix par certains côtés, t'as l'impression que ça pourrait être le chanteur de Rammstein. Enfin, je trouve qu'il il est presque dans l'imitation, quoi. Ouais. Et à un moment donné, je pense que quand t'es dans un studio d'enregistrement, que tu fais des chansons, qu'il y a un producteur son, qu'il y a un ingénieur qui est là et que tout le monde devrait dire... Et ça sonne un peu comme un truc qu'on a déjà un peu entendu, vous trouvez pas? Et décider d'eux-mêmes de peut-être ne pas prendre cette voie-là, tu vois, je veux dire, quand t'es un groupe allemand de métal industriel et que tu vas avec, typiquement ressembler à l'autre groupe gros de métal industriel, c'est bah ouais, non. Du coup, le groupe qui va jouer en main stage le dimanche, bah ça fait vraiment Rammstein du pauvre, mais ça va marcher. Ouais. Dimanche, en main stage, tu passes ça dans l'après-midi, les gens ils vont être contents. Ils vont dire ah, c'est cool, ça sonne comme Rammstein. En vrai, quand t'écoutes sur album, c'est d'un côté, t'as vraiment un peu plus. C'est soit t'as un truc qui ressemble à Rammstein, soit un truc qui est trop dance metal ou Neue Deutsche Art. Et donc, moi, ça ne l'a pas fait, j'ai pas aimé pour tout ça. Quoi. Alors, j'ai un peu survolé tous les albums, je me suis pas arrêté parce qu'à chaque fois que je m'arrêtais, au bout d'un moment, il y avait soit une intro, soit un truc en trop dance programmé qui me faisait sortir du truc. Ou alors un truc trop Rammstein. C'est du sous Rammstein, c'est pas pour moi. Voilà. Ok. Donc j'ai pas aimé, c'était la question. Donc je n'irai pas les voir. D'accord. J'achèterai pas de disques. Merde. Et je pense que je n'écouterai plus jamais. C'est bien. Voilà. Bah en même temps, ça te libère. C'est ça. Et toi, le peu que je t'ai fait écouter, alors ça t'a... Ah bah pas du tout. Non non, pas du tout. J'aime bien Rammstein mais je vais pas en écouter déjà volontairement. Ah ouais. Ouais, je suis pas un fan à ce point-là. Après je comprends tout à fait les fans hein. L'électro comme ça et que non, c'est pas trop mon truc de prendre l'initiative d'aller écouter, tu vois, de voilà. Là ce que tu m'as fait écouter, oui, j'ai trouvé ça très dance metal avec oui, avec une voix un peu à la Lindemann qui est pas rien n'est... Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, merde, c'est quoi ça? Bah ouais, c'est pas... Voilà, donc bah après, c'est tout, quoi. Mais je m'arrête là, en fait. Tu ne poursuivras pas. Je n'irai même pas faire le curieux de voir ce qu'ils ont fait d'autre. T'as pas... D'accord. Voilà, très bien. Alors, rappelle le nom du groupe. Alors, c'est Age Brecher, voilà. Ou Age Breaker, qui jouera donc le dimanche en main stage. Et nous vous conseillons d'y aller, hein. Ça y aura moins de monde d'ailleurs. Pour être tranquille. Je t'en prie, à ton tour. Alors, pour ma part, comme j'aime à le dire, mon premier groupe sera les Bananes Métalliques. Tiens ! Bananes Métalliques qui passent en Warzone, c'est ça ? En Warzone le samedi. Le samedi. Bananes Métalliques, donc, qui est un pays... qui est un groupe français, pardon. Je me suis vraiment demandé où il va. Qui est un pays. Oui, ça peut être un pays à ce moment-là. Qui est un groupe français. Cocorico. On pourrait éventuellement plutôt dire Gorgorico. Gorgorico. Parce que c'est un groupe de gore and roll. D'accord. Voilà. Voilà, mais... c'est un groupe de Rennes et qui a baptisé sa musique le gore and roll. Voilà, et l'a décrit comme un mélange d'horreur et de rock and roll. D'accord. C'est tout à fait ça. C'est pas faux. C'est tout à fait ça. Pour la petite info, quand je suis rentré dans les locaux de Rod to Hellfest, enfin plutôt dans la maison mère de Rod to Hellfest, Bob était en train justement d'écouter Banane Métallique. Voilà, leur dernier album. Tout à fait, je suppose. Nice to meet you. Enchanté, moi aussi. Meet, M-E-A-T. Oui, très bien. Voilà. J'ai compris le jeu de mots. Hein. Ouais. T'as vu ? Donc voilà, leurs paroles s'inspirent de la culture horrifique, mais revendiquent aussi le refus de conformisme artistique. Mm-hmm. Leurs shows ont fortement contribué à la réputation du groupe, énergie communicative, mise en scène sanglante avec du maquillage. Oh. Donc je pense que pour tout ce qui est photo, ça peut être sympa aussi. Ça fait peur. Enfin, s'il y a de la lumière, tout ça, ça mais peut si, donner un si truc ça fait sympa. Peur, ça fait... Bah disons qu'il ne faut pas emmener les enfants. Oui, mais après, si ça passe, comme on a dit, le samedi en Warzone, si c'est dans l'après-midi, les lumières, c'est mort. Bah, faudrait mieux que ce soit le soir. Ouais. Ce serait plus intéressant. Enfin, moi, c'est qu'est-ce que j'en dis, mais... D'accord. Je trouverais ça plus intéressant d'avoir ce genre de groupe le soir, où il fait nuit, et que t'as vraiment des jeux de lumière sur... Sur leur maquillage. Là, les photographes, je pense qu'ils peuvent s'éclater. Ouais. Que tu as vu un petit peu leur maquillage. Oui, un peu beaucoup, ouais. Et c'est bien. Ah bah, ouais, c'est pas mal, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ça fait pas... Bah, c'est travaillé, les mecs, ils sont... C'est depuis 90, je crois, qu'ils bossent, les gars, quand même. D'accord. Par contre, ils ont que 3 albums. Depuis 1990. Donc ça fait un album toutes les décennies, en fait. À peu près. Grosso merdo. Ok. Donc voilà. Par contre, Banane Métallique bénéficie d'une grande popularité à travers le monde. Leurs deux premiers albums, Requiem de la Dépravation et Sex, Blood and Gore and Roll, ont fait l'objet de nombreuses rééditions internationales. D'accord. Et ouais. Depuis, les pays visités se succèdent régulièrement. L'Europe, les États-Unis, le Japon, le Brésil et la Russie. Okay. Rien que ça. Leur dernier album, Nice to Meet You, respire le rock'n'roll et révèle un répertoire aux univers marqués. Avec mépris des frontières et des genres, le groupe prend un malin plaisir à déchaîner son public. D'accord. Voilà. Donc je pense que ça peut être sympathique. Oui, mais au final, t'as pas dit si t'aimais bien. Ah bah ça, on le dit après. Ah bon ? D'accord, ok. Ah bah pardon, je m'excuse. Et donc... Moi j'aime bien tout ce qui est rock'n'roll, rockabilly, quand il y a de la contrebasse, moi ça me botte bien. T'aimes bien la contrebasse ? Ouais, il y a de l'énergie, il y a du... C'est sympa. Il y a du groove. Il y a du groove, il y a de l'énergie. T'aimes bien les bananes ? Il y a du peps. Ouais, j'adore le métal, j'adore la banane, donc ça me pose pas de problème. Donc t'as bien aimé ? Ouais, j'ai bien aimé, c'est sympa. T'iras-tu les voir ? Bah, je pense que ouais. Rien que pour le tout, en fait. Le packaging complet, je pense que ça peut être... Alors, j'espère qu'ils passeront de nuit. D'accord. Ça peut être le seul truc qui peut éventuellement me faire tiquer. Après, je me rends pas compte de la popularité du groupe, mais ça se trouve, ils peuvent être le matin aussi. Hein. Bah, c'est pour ça. Et là, ça m'enquiquinerait un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Pour être poli. Mais du coup, est-ce que t'aimes bien au point d'en acheter des CD ? Non. On n'est pas... J'aime bien aller voir sur Spotify, j'écouterai volontiers. Parce qu'on n'est pas donc sur un Insanity Alert, par exemple. Oh, tu te calmes. Mais non, je fais des comparaisons pour comprendre. Non, mais non, c'est... Bah, après, t'as bien aimé, but it's not a good occur. T'es plus, intéressé pour aller les voir en live, par exemple, que pour acheter un CD. Ouais. Voilà, tu vois, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien, très bien. Ouais, d'accord. Ok. Voilà, donc t'as bien aimé. Ouais. Et tu seras sûrement devant. Bah, si c'est de nuit, ouais. Ça va, tu peux ne pas y aller deux jours. Ça, ouais, je pense que le show sera pas le même. Je pense que t'es vraiment total, quoi. Je pense que t'es un peu raciste de la journée. J'adore le soleil, hein. J'adore quand. Ah, bah oui, on le voit bien. Ouais. T'es bronzé comme. Attention, ça va mal finir tout ça. Déjà que la semaine dernière, on était à deux doigts, et à peine. À faire partie vite fait la queue basse Et le regard c'est pauvre. Vrai que c'est vrai que je suis parti vite. Ouais. C'est vrai que je suis parti vite. C'est comme ça qu'on se voit maintenant. Hein? Vite? Ouais, c'est ça. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça. On est des gens occupés. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur Banane Métallique? Non. D'accord. Non, non. Donc je passe à mon prochain groupe. D'accord. Alors, mon prochain groupe, c'est Trivium, groupe américain de Floride. Vas-y, si tu veux. Non, non, je l'ai bah, pas. Bah, si, t'en parleras certainement mieux que moi. Je l'ai... Mais non, je l'ai pas du tout. Je peux dire. J'ai... Il non. a envie, t'en meurs. Non, non, pas... non, ah, si, alors, tu veux que je te dise. Regarde, je le dis maintenant. Et je ne le dirai pas plus tard. Voilà, je le redirai. T'en as dit plus que moi, j'en dirai déjà. Mais non, pas forcément. Mais non, je vais juste dire, ah oh, bah, j'aime bien ça, mais c'est pas. Au niveau, je connais pas tout trop bien du groupe. pour le tirage au sort de tout nul. À l'heure, c'est nul. J'aimerais bien avoir Death Angel et Alien Weaponry. J'aimerais bien avoir ces deux groupes. Ah ouais, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais avoir, moi? Wow, des bonnes découvertes. Ouais, c'est bien, tu te mouilles. Ça va mal finir. Bah, vraiment, non, mais là, je rigole pas. Est-ce que je rigole? J'ai l'air de rigoler? Non, t'as pas l'air de rigoler. Ah. Et tu peux poser ce couteau, s'il te plaît. Ça me met assez mal à l'aise. Ouais. Je vais donc vous parler de Possessed, ou Possessed, qui est un groupe de death metal américain originaire de San Francisco, en Californie, initialement fondé en 1983 par Jeff Becerra, ce qui fait la voix et la basse, Mike Torao à la guitare, Larry Lalonde à l'autre guitare, et Mike Suss à la batterie. C'est son nom de famille. Pas Larry son... Lalonde. Larry Lalonde, oui. À la quoi? À la guitare. À la guitare? Oui. C'est pas parti de Primus, non? C'est toi, alors c'est toi le spécialiste de Primus? Attends, non, je suis en train de demander, est-ce que je sais qu'il s'appelle Lalonde, mais est-ce que c'est Larry son prénom? Il y a peut-être pas qu'un Lalonde dans non, le non, monde. Non, non, non, mais c'est pour ça. Non, mais ça va, non, on peut non. avoir, dis donc. Mais attends, eh ben écoute, je vais regarder. Maintenant, tu vas meubler le temps qu'on aille vérifier cette info. Oh, sole mio. Primus. Alors, déjà, j'ai écrit Primus, donc c'est pas bah ça. Voilà, ouais, super. Primus, groupe de rock. C'est ça. Bien. Alors, Primus. C'est peut-être pas ça. Hein. Larry Lalonde. Intéressant. Des trash metal. Lalonde crée son premier groupe. Et... Larry quitte ensuite le groupe pour rejoindre le groupe de death metal de première génération, Possessed. Eh ben, bien joué. Merci. Non seulement c'est bien joué, mais c'est une news très intéressante à savoir. Bah oui, parce qu'il y aura Larry Lalonde. Du coup. Pas forcément. Pas forcément. Tu vas nous... Pas forcément. Justement, c'est assez particulier. Entre 83 et 84, parce qu'on va presque se faire toute la story du groupe, je pense que c'est important. Vas-y. Entre 83 et 84, le groupe joue lors de soirées locales et font paraître une démo de 3 chansons intitulées Death Metal. C'est un peu c'est le style qu'ils jouent. Ah ouais, d'accord, ok. 85, premier album, Seven Church. Ça veut dire ça fait beaucoup quand même. Ouais. Ensuite, logiquement, on part en tournée. Halloween 86, deuxième album, Beyond the Gate. Puis, le mois suivant, un EP de 5 titres, The Highs of Horror, qui marque un changement de direction musicale pour le groupe. D'accord ? Ok, d'accord. Jusque-là, tu me suis ? Oh bah... Peu après, le groupe se sépare. En 90, Jeff Becerra, donc le chanteur-bassiste, devient paralysé des membres inférieurs après s'être fait tirer dessus. C'est intelligent, ça. C'est moche. Bah, je pense qu'il... En 90, toujours, Mike Torao, donc un des premiers guitaristes, c'est reforme ça. Possessed avec une nouvelle formation composée d'anciens membres de Machine Head et de Propane. Il publie plusieurs démos avant de se séparer de nouveau en 93. Pour l'instant, l'histoire du groupe... Ouais, dis donc, c'est un peu là. 2007, Jeff Becerra jouera sous le nom Possessed au festival Wacken Open Air et ramènera tous les membres du groupe Sadistic Intent. En gros, il était pote avec les groupes. Il a dit les gars, vous aimez bien Possessed? Ouais, t'as sorti deux albums en 83-86. Ouais, bah ouais. Ouais, ça vous dirait pas? Ouais, bah pourquoi pas. Donc il a ramené tous les membres du groupe et ils ont joué avec lui au Wacken. D'accord. Donc la vidéo, elle est trouvable sur le internet, tu le vois. Il est chanteur fauteuil roulant, donc. Hein. Donc c'est très bizarre. Parce que, bah voilà. Non, pourquoi? Bah parce qu'il se donne à fond et enfin, il. Enfin, voilà. Ouais, bah après. Non, mais c'est bien. Ah c'est ouais. bien, c'est bien. Ça fait un peu bizarre parce que il est en fauteuil. Oui, t'as moins forcément le. Côté bah un peu, mais ouais. voilà, il est pas du tout ridicule pour autant quoi que ouais. ce soit. C'est pas un chanteur lyrique. Ce serait moins choquant si c'était un chanteur lyrique. C'est ça que tu veux dire, grosso merdo. Plus statique quoi. Ouais, oui, oui, oui. Pas comme Wayne. J'ai un plus. Oui, plus statique, oui, tout à fait. Je suis perdu. Non, c'est bon. Donc, Sadistic, avec les membres de Sadistic Intent, ils resteront sous cette formation jusqu'en 2010. Et puis, ils se séparent. Depuis, le groupe, donc revenu à sa formation plus ou moins originelle, donc il y a des membres du départ ou pas, je ne suis pas sûr du tout. D'accord. Est à l'écriture d'un nouvel album pour faire suite à celui de 86. Donc, il n'y a eu que deux albums de Possessed. Ah ouais, bah ouais. En termes d'influence, au moins trois des membres originaux déclarent s'inspirer de groupes comme Exodus et Venom, et des, je suis complètement d'accord, et des groupes axés New Wave of British Heavy Metal comme Motorhead, Iron Maiden et Judas Priest, je suis un peu moins d'accord. Tu sens vraiment quand même dans le groupe que c'est du death metal, et en fait, alors j'ai pas trop aimé, parce que c'est du death metal de 83, et donc ça sonne comme du death metal de cette époque-là, donc c'est pas très recherché, c'est pas très... ça a déjà la prod de l'époque. Donc ça sonne vieux. Ça sonne 80s. Ouais, ouais, ça sonne assez 80s. Tu reconnais le son. Ouais, tu reconnais le son. Et du coup, les compos sont pas non plus... En fait, moi, j'ai pas trouvé ça très inspiré et pas très inspirant non plus, en fait. D'accord. Donc j'ai en fait plus subi ce que j'ai écouté. Okay. Voilà, moi ça m'a pas parlé. Alors je comprends que d'une certaine manière le groupe soit devenu cool parce que c'est vrai que de nom. J'ai, comme souvent le dans cette émission, mais l'impression que ça a été toujours là. Ouais. Alors qu'en fait, du coup, il ne s'est pas passé grand-chose. Bah ouais, ouais. Mais, parce que même pendant les temps où ils n'étaient pas en split, ils ont fait quelques concerts, mais ça n'a jamais été non plus le gros truc de dingue, quoi. Donc moi, ça ne m'a pas parlé. Ça reste, on va dire, trop simple. Si on devait faire une comparaison, bah c'est pas impossible de faire une comparaison parce qu'Amon Amarth c'est du death metal plus symphonique, donc il y a plus. Et plus récent aussi. Ouais, plus récent, mais donc forcément. Beaucoup plus recherché. Mais ça, en fait, ça ressemble à la bio que j'ai lue. Ça sonne un peu comme ça, quoi. Très dans le jus de cette époque-là. Quand les groupes en fait étaient en train de se découvrir, quoi. Un peu comme le premier Slayer qui est pas fifou, fifou. Ouais. Tu vois, tu sens qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait arriver, qui s'est qui a émergé quelques albums plus tard pour... et là bah sur les deux albums pas vraiment, j'ai même l'impression, je trouve que d'une certaine façon la prod du deuxième est moins bonne que le premier, donc c'est vraiment un peu dur. Et le changement effectif avec l'EP laisse effectivement présager que peut-être un troisième album aurait pu amener quelque chose de plus intéressant, mais en l'état c'est pas pour moi, j'ai pas kiffé. Peut-être que si effectivement ils sortent un nouvel album j'irai jeter une oreille pour voir. Mais je pense que s'il reste dans l'esprit de cette époque-là, c'est un peu foutu, quoi. Ouais, bah parce espérons que... pour... Ouais, voilà, espérons que non. Non, après, c'est parce qu'en écoutant même le live du Wacken, tu retrouvais bien les morceaux de l'époque, quoi. En donc... même temps, moi, c'est vrai que j'ai écouté Venom et Venom Inc. Ouais. J'ai écouté les premiers Venom. Mmh. Tu sens vraiment le son 80s, hein, c'est vraiment le son 80. Hein. Au niveau de la prose, au niveau du son, tu reconnais tout de suite. Et ce qu'ils ont fait avec justement le dernier, enfin avec le dernier Venom, avec Venom Inc., le son est beaucoup plus moderne et beaucoup plus propre. La prod est moderne, et voilà. Et du coup, moi j'ai bien aimé ce que j'ai écouté. Bah, alors, j'ai bien aimé Venom, les premiers, mais sans plus quoi. Ouais. Mais là, ce que j'ai écouté de Venom Inc., ouais, j'ai. Oui, je sais, t'avais vraiment dit que t'avais bien aimé. Donc cette différence peut éventuellement jouer. Et je. S'ils ressortent un album, justement, Possessed, peut-être que ce sera la même. Ouais, peut-être, non, mais tout à fait. Il y aura forcément une différence. Ouais, non, mais je suis un peu curieux de ce qu'ils feront, aujourd'hui, mais il faudrait justement pas qu'ils restent dans ce truc-là. Mais c'est pas prévu à la base. Non, je pense pas. Voilà. Je pense pas. Mais après, c'est un peu toujours compliqué de, quand tu remontes aussi loin dans le temps, d'arriver autant d'années plus tard et de dire ouais, qu'est-ce qu'ils vont amener, quoi. Soit ils vont vraiment vriller complètement, soit ils vont essayer de garder une certaine authenticité, mais du coup. Voilà, donc ça peut être intéressant, effectivement. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Après, à noter qu'ils sont assez, je pense, connus pour un de leurs titres, où l'intro, c'est l'intro du film L'Exorciste. Et le morceau, c'est The Exorcist aussi, justement. Et d'accord. T'entends les premières notes du film. Alors, je sais pas si à un moment donné, je crois pas que dans le film t'entends ça, mais c'est vraiment les notes bien connues de la BO du film. Et après, ça enchaîne sur un truc okay. À leur sauce. Donc voilà, et Possessed passera le vendredi sous Altar. Donc bah, je ne serai pas devant. D'accord. Ou alors, je dis ça, mais en même temps, d'ici là, si jamais il y a un album qui sort et qui a vraiment changé, peut-être que je me dirais, bah tiens, je vais jeter un œil pour voir, parce que, voilà, juste pour me faire une idée, mais de ce que j'ai écouté, j'ai pas envie d'y aller. Ouais. Par contre, j'ai très envie de tuer ton chien, mais c'est juste parce que je l'entends beaucoup. Je comprends. Mais... Toi, c'est qu'une fois par semaine. C'est vrai. C'est vrai, je, c'est vrai. J'en ferai bien et, des brochettes. Et j'ai du mal à prendre sur moi, je devrais faire plus d'efforts. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Possessed. D'accord. Bah ça fait plaisir. Eh ben c'est parce que ouais. C'est ton tour du coup. Ah ça moi. Ouais. Tu connais Combi Christ? Non. Bah moi non plus du coup. Quoi? Non, Combi Christ ah. Qui est un groupe norvégeois de c'est, la Norvégie. C'est pas grave. C'est pas grave en soi. Donc c'est un groupe de métal industriel ah. De l'agrotech. Oh. Ouais. Ils sont très agricoles, les mecs. Tout ce qui est psychologique, tout ça. Et d'électro-industriel. Ah. Alors. Ça annonce déjà... Bah, ça annonce un petit peu le... Mais petite particularité, ils vont jouer samedi sous la Temple. C'est ça. Donc, c'est pas comme Icebreaker. Alors. Donc, en activité depuis 2003. D'accord. Donc, ça fait un petit moment quand même. Voilà. Donc, ils sont 5 sur scène. Voilà. C'est tout. Ah, il est formé en 2003 par Andy Le Plega, qui est aussi le fondateur des groupes Icon of Coil, Panzer AG, Scandinavian Cock et Scandi. Rien que ça. Le gars a des projets sous la musette. Combi Christ est actuellement basé à Atlanta, au United States of America. D'accord. Voilà. Le groupe assure la première partie des concerts de la tournée de Rammstein. Bah tiens. En 2009 et 2010, notamment lors de ses dates françaises. Donc à Nantes, en 2009, quasiment tout en 2009, hein, Lyon, Strasbourg, Paris-Bercy à la fin. Ils assurent aussi les spectacles de Rammstein le 9 décembre et 7 mai au Centre Bell à Montréal. Et le 11 décembre au Madison Square Garden. Oh bah carrément. Carrément quoi les mecs quoi. Oh bah dis donc, un groupe comme ça, c'est foufou. Ça doit être vraiment génial. Ah bah là là. Donc Joe Leds assure également leur première partie durant la tournée de 2013 en tant que DJ. Non. DJ pardon. Ah bah oui je préfère. C'est mieux. D'accord. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, hein. J'ai écouté un peu. C'est... Alors, s'il y a une personne que tu connais et que tu approuves, qui a bossé avec eux en 2009, qui a fait une tournée même avec eux en tant que guitariste, je te laisse deviner. C'est super vague. J'ai pas plus d'indices que ça. Un mec un peu chelou. Wes Borland ? Ouais. Ouais, mais ça compte pas. Oh ouais. Non, mais en 2009 en plus hein. Hein c'était il y a 10 ans. Non puis même ouais il si putain Big Dumb Face le mec c'est pas non oh, ça compte pas tout ce qu'il a si je l'ai vu à Planétaire. Big Dumb Face bah je sais pas s'il y a plusieurs albums mais j'en ai vu un. Il y en a au moins deux. Ouais bah, j'en ai vu un. Sauf... ça vaut le coup d'acheter ou non, écoute d'abord ouais écoute d'abord. Bon non je ouais. T'enflammes pas sur des trucs comme ça. Oh, mais je et donc, mais pas du tout. Et Combi Christ, alors? Eh ben, écoute, c'est exactement qu'est-ce que je viens de dire. Ah, c'est moi qui l'ai dit. C'est de, tout à fait de, du metal indus, agrotech et de l'électro-industriel. Voilà. Ça t'a pas plu? Bah, disons que c'est pas ma cam. Je tolère, hein, parce que je suis quelqu'un de tolérant, monsieur. Oui. Eh oui. C'est vrai. Je veux dire, on peut... tout à fait venir à la maison, mettre sa musique, hein, et bon, à partir du moment où ça... Et si quelqu'un met ça, tu lui dis quoi? Tu dis bon, bah... Eh bah, je lui dis, bon, bah, ok, d'accord, je veux bien découvrir. Mais maintenant que, hein? T'as, maintenant que t'as un peu découvert Bah, je lui dirais de sortir. Manu Militari. Voilà. Tu n'en reviens pas avec ta merde. T'as qu'à l'écouter à Maron, pauvre con. Ouais, roule chez toi. Non, bah, t'iras et pas les... ma bière. T'iras pas les voir. Non, bah non, aucun intérêt. Et t'iras pas non plus réécouter. Mais non. Pourquoi je ferais ça? À toi quelle de... idée. À toi de nous quelle dire. Idée. Je sais pas pour non, dire. Non, je n'ai. Peut-être que tu t'es trompé, qu'il y a un album qui est vachement mieux que les autres. Eh ben peut-être. Mais alors dans ces cas-là, qu'on me le dise. Très bien. Là, je suis quelqu'un de oh, mais... Je suis pas, moi, c'est à bon. Partir du moment donc, où... ça sert un peu à rien, tu n'iras pas du samedi du côté de la Temple pour... Je ne pense mais pas, mais imagine, non. En live, ça n'a rien à voir, c'est complètement fifou de différence. Ah, je ne sais point. Non, non, non, franchement, alors, c'est toujours pareil, parce que on dit oui, je n'irai pas. Et machin. Puis, comme et on connaît. Bon, c'est toujours, t'as toujours ce côté théorique et ensuite ouais. Pratique. C'est ça, ouais. C'est ça. Non, mais le côté d'être devant et de te rappeler que, ah, mais oui, je connais. Donc, ah, bah, ouais, attends, j'ai jeté une oreille, je suis là. Alors, ça, oui, par contre, ça peut m'arriver. Voilà. Parce que je passe devant et que, avec ma pinte et que je dis, tiens, ouais, il est 9h du matin, ce qui n'est pas possible. Tu. Bah non, maintenant, parce c'est au 10h30. Bien joué. Bien joué! Hey, tu m'as vu. Piégé. Ah. Et la clé. Du coup, oui, ça peut arriver. La jette. Ouais. Donc voilà. Non, non, mais après, oui, ça peut arriver que je passe devant, que je m'arrête 5-10 minutes et qu'après, je passe tu mon back. Chemin. D'accord. Je vac. Mais c'est pas. Donc, l'achat d'un CD? Ah, pas du tout. C'est pas prévu. Enfin, pas cette année, en tout cas. Pas cette vie. Pas cette vie, exactement. Eh bien, très bien. Je pense que tu nous as. Très bien parlé de Combi Christ. Je suis désolé, hein. je peux pas faire mieux. Non, avec c'est très bien. Moi, je pense que les... le mon petit cœur. Je pense que tous les auditeurs partageront pas forcément ton avis parce que dans le lot, hein, on a les auditeurs qu'on mérite, donc il doit bien y avoir un ou deux qui kiffent. Hein. C'est pas la peine de. Ah bah vas-y, dis-le que tu kiffes. Vas-y, dis-le. Dis-le, toi. T'as le droit de le dire. Sauf si t'aimes Amarante aussi, là, ça fait beaucoup pour bon, une personne. Non, là, non, c'est moi, pas je la pourrais peine. Pas. Là, je pense qu'il faut mieux que tu gardes le silence pour toi et ta future santé physique qu'on pourrait mettre à mal. Mmh. Dis quoi ? Tu provoques des bagarres ? Attention. Hein. Oh la vache. Ça va loin, quand même. Bon, allez. On est à combien ? Deux. De temps ? Oh, pff, mais bon, tu peux... On perd tellement de temps, ça fait déjà 1h06. Ah bah, ça va. Ça va, ouais, mais bon. Il est déjà 19h30. On a peut-être pas perdu tout le monde. Qui c'est qui est là encore? Moi. Bah bienvenue. Salut. Ça fait plaisir. Ah, c'est sympa chez vous. Alors, Power Trip est un groupe de thrash metal américain formé à Dallas au Texas en 2008 parce que c'était une année à faire du thrash metal. Leur son a été décrit par les critiques comme un mélange entre le thrash metal et le punk hardcore, ce qui au final rentre assez dans la catégorie crossover thrash. Bref. Point de case chez RTH et revenons plutôt à ce voyage de puissance. Power Trip, voyage. RTH. C'est donc Power Trip, c'est donc sous ce nom que les petits Texans, à savoir Riley, Chris, Blake et Nick, sortirent en 2013 leur premier album studio, Manifest Decimation, leur second album Nightmare Logic en 2017. Et bien sûr, en 2018, la compile de leurs 10 ans avec tous les titres qui figurent un peu partout, sauf sur album. Donc, démo, extra single, EP, mini LP. Voilà. Donc, pour ma part, Power Trip est un groupe que je pensais plus aimer que ça. Ah merde! De mémoire, mais je croyais que j'aimais bien. Et en fait, quand j'ai écouté donc tout, j'arrivais pas trop à mettre un nom sur ce que Que t'écoutais. Non, sur ce que je ressentais parce que je me disais ouais c'est pas mal, ouais c'est bien, il y a des trucs chouettes et tout, ça marche bien, c'est efficace et tout. Et en fait, en faisant un peu de recherche sur le groupe, je tombais sur une critique du deuxième album, à savoir Nightmare Logic, où ils expliquaient que justement Power Trip faisait du très bon thrash metal, c'était des très bons thrashers, mais qu'ils apportaient strictement rien de nouveau. C'est old school, comme ça l'a été, produit moderne, mais c'est vraiment sans aucune surprise. Et en fait, c'est ça. En fait, tu sais ce que tu écoutes quand tu pars de postulat de départ. Et c'est vrai que c'était ça que j'essayais de mettre sur mon écoute, le fait que tu n'as pas de surprise. Et c'est pas forcément négatif, hein, mais tu es vraiment dans un truc, dans un terrain balisé, tu as tous les bons trucs de thrash metal. Et donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment... Quand tu écoutes un album, bah ça passe, mais quand on écoute plusieurs et tout, à un moment donné, tu dis un petit peu, ouais, bah ça manque de surprise, ça manque un peu de. Ça sort pas des sentiers battus. Non, non, c'est vraiment. Alors par contre, c'est efficace dans le style, ouais. Mais ça manque un petit peu de. Comparé à certains groupes qu'on a pu écouter qui nous surprenaient ou qui nous amenaient autre chose, bah là, t'as toutes les bonnes cases, quoi. T'as les bons riffs, t'as les bons machins, t'as l'énergie, t'as beaucoup d'énergie, l'énergie ressort énormément, mais t'as pas d'autres surprises. Donc c'est un groupe qui est très sympa à écouter, mais moi j'aime bien quand ça surprend un peu plus que ça, quoi. Donc donc en fait j'avais dû écouter un album et bien l'aimer en me disant ah c'est cool et me dire que j'allais peut-être découvrir d'autres choses, et au final j'ai pas découvert d'autres choses, je suis resté dans ce même dans cette même linéaire, c'est ça. Et donc Power Trip en plus passe vendredi sous l'altar. D'accord. Donc ça peut dépendre de ce qui en fasse, j'irai peut-être jeter un œil. Ça, je suis pas contre. Pour l'énergie, je pense. J'irai voir pour l'énergie. Ces trois scènes-là, c'est bien. C'est la Vallée, Altar et Temple. Mm. C'est que dès que tu rentres, tu les as direct. Ouais, donc, voilà. Peut-être pas cette année. Peut-être pas cette année. Avec la Vallée. On ne sait pas. Ah là là. Oula. Ça va peut-être foutre la merde, tout ça. Ouais, il va falloir que ça. Oula, dis donc. Ouais. À voir. Là, j'ai le. Tu vois, j'ai petit cœur qui est tout serré. Oui, mais en même temps, s'ils foutent la Vallée du côté de la Warzone, comme c'était sous-entendu. Un peu. Ouais. Ça risque d'être plus sympa et qu'on ne bougera plus jamais de là-bas. Oh non, bah t'imagines. Moi, il y a des groupes que j'aime bien aussi sous Temple et Altar. Hein. Ah bah peut-être, mais. Ça va me faire marcher. C'est pas grave. C'est dégueulasse. C'est pas grave. Donc voilà, Power Trip. C'est bien, mais pas ouf. Ok. Voilà. Tout à fait. Écoute. je te laisse enchaînement. Ah! Tu connais un petit groupe états-unien de metalcore, thrash metal et heavy metal? De Floride? Ça vient de Floride, ouais. En action depuis les années 2000. Peut-être. Ouais. Avec un mec qui fait du karaté. Matifi? Ouais, c'est possible. Ouais. Japono-américano. Enfin, il fait pas vraiment du karaté, c'est plus un peu du MMA qu'il fait. Mais bref, peut-être, vas-y, je sais pas. Et qui s'appellerait Trivium? Ouais, je connais. Ah, tu connais? Ouais, je connais. Ouais, ça fait pas longtemps que tu connais. J'ai découvert avec le dernier album. C'est ça, ouais. The Sin and the Sentences, je crois que ça. Ouais, ok. Donc, t'en prie, vas-y, parle-toi. Ah. Je vais regarder mes mails. Je crois que c'est le premier groupe à notre rencontre dont tu m'as parlé. Alors, non, je suis pas sûr, non. C'est un groupe... Non, Bullet for My Valentine que tu m'as parlé. Alors, peut-être t'avais non. Pas un t-shirt de Bullet for My Valentine? Non. Non, pas de t-shirt. Non, on en a parlé les quand Marcel, on s'était croisé à Leclerc en faisant nos courses. Et je te dis, ouais, ça va et tout. Et puis tu m'as dit, je rentre du Hellfest. Et je te dis, ah, il y avait quoi? Il y avait Trivium. Et je les ai vus, c'était top. Et je t'ai dégoûté. Ouais. Ouais. Et ouais, c'était top. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était sympa. Et le son était bon en plus. Il n'y avait pas comme Lamb of God. Ou Devil Driver. Enfin, moi je suis. Il n'y avait pas le vent. Il n'y avait pas le vent, c'est ça. Il n'y avait pas le vent. En espérant qu'il n'y ait pas ça à la clutch. Bagarre. Hashtag bagarre. Donc voilà, c'est un groupe de. Alors, metalcore, apparemment, ils ne sont pas trop d'accord avec ça. Eux ? D'après qu'est-ce qu'ils disent ? Bah ouais, non, tu m'étonnes, ouais. Ouais. Donc, ils sont passés du thrash metal, hein, c'est ça, avec The Crusade. Ouais. On est d'accord ? Toi tu peux Crusade c'est pas le premier donc Oh, tu te calmes d'accord, hein, on n'est pas là pour ça. Écoute, il parle de metalcore sur Humber to Inferno et Incendity au thrash metal The Crusade jusqu'au compromis entre les deux avec Shogun, entre le metalcore et le thrash metal sur Shogun. Bah ouais, ou alors c'était peut-être le metalcore, pas comme on écoute aujourd'hui, et donc... 2000, c'est vrai qu'il y a quand même 19 ans. Oh la page, 19 ans. Ouais. En 2013, le groupe compte plus de 6 millions d'albums vendus à travers le monde, ce qui est pas mal. C'est sympa. Voilà. Sympa. En 2016, le groupe compte au total 7 albums studio. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est pas non plus un petit groupe. Hein. Non. En 2000, combien t'as dit? En 2016. Le groupe compte au total 7 albums. En 2016. Il est sorti en 2016 le dernier album? Non, 2017 je dirais. Moi. Bah ouais. Donc du coup ça fait 8. Bah du coup. Là, en 2016 le groupe compte. Oui, total, non, mais, 7 albums. Oui, mais du coup donc, ça 2017, fait bizarre. Ça fait 7. Mais ça fait bizarre que tu. 7. Ça fait un peu bizarre si tu le dis 8. Comme ça du coup. Parce que pourquoi tu t'arrêtes à moins d'albums? Eh ben parce que en 2017 le groupe compte au total 8 albums. C'est ça que j'ai dit. C'est parce que t'écoutes mal. Ouais. C'est ça ? 8 albums. Ah bah tu vois, en 2017. Sûrement. Mais ouais, c'est ça. Donc voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à dire personnellement hein, sur ça. J'ai lu un petit peu tout ce qui s'est passé. Comme quoi, Matifi avait commencé à l'âge de 14 ans, c'est ça dans... Dans... Très jeune, ouais, il dans a commencé très jeune. Parce qu'il avait fait, il avait passé une espèce d'audition, je crois, dans son lycée. Voilà, et que les membres du groupe qui passaient l'audition avaient été énormément surpris par sa voix. Donc du coup, il est resté dans le groupe. C'est par sa voix qu'ils ont été surpris ? Apparemment, ouais. Putain. Parce qu'il braillait. Et on sent bien que sur les deux premiers albums, justement... Ah, il braille plus, ouais. Il gueule. C'est du gueulage. On peut dire que sur 8 albums, il commence à chanter vraiment... Voilà, mais en fait, c'est ce qu'il expliquait, c'est que... C'est ce que j'ai lu, hein, donc après je ne sais pas si c'est de lui ou pas, c'est qu'il ne savait pas faire autrement que gueuler, du coup il ne savait pas chanter, donc eux ils ne voulaient pas trop, mais en même temps c'est comme ça que ça s'est passé. Sur le troisième album, je crois qu'il a commencé à chanter, si je ne me trompe pas, et du coup maintenant qu'il est adulte, il chante. Mais il s'est pété les cordes vocales aussi. Il gueule un peu. Donc, Les cordes vocales, il a été opéré, il a été aidé dans sa rééducation à... par David Draiman, le chanteur de Disturbed, qui est quand même assez connu pour, sa voix, son coffre. Et donc, il lui a appris à chanter sur une octave de plus. Et donc, maintenant, il a une voix qui est beaucoup plus intéressante. Ce qui, d'ailleurs, avait fait un peu débat sur l'avant-dernier album, c'est qu'à aucun moment, il crie. Il fait que de chanter. Après, la petite particularité de Trivium, et moi, ça a été un choc les premières fois, c'est que justement, en live, il a beaucoup de mal à chanter. Enfin, il avait beaucoup de mal. Là, c'est mieux. Et du coup, ça faisait très bizarre... parce que justement, il y a plein de trucs qui passent un peu moins bien au niveau de la voix. Mais derrière, moi, ce que j'en ai vu, je les ai vus qu'une fois, mais je les voilà, c'est que il est présent sur scène. Ah oui. Et du coup, ça joue. Il va chercher le public et tout. Ouais, non. Ça joue vachement. Il a une patate, quoi. La banane. Il est super content d'être là. Ah, c'est ça. Et vraiment, c'est moi de ce que j'en ai vu, je connaissais pas Trivium. Je les ai vus, je crois, juste par curiosité, parce que j'avais entendu vaguement parler de Trivium. J'ai pas été déçu. Après, je suis pas un gros fan, mais sur scène, franchement, j'ai vachement apprécié ce que j'ai vu, parce que justement, Effie est là, et il a la patate, tu vois qu'il va chercher le public, il a le sourire, il est content, quoi. Et puis c'est un mec, comme je l'ai peut-être déjà dit ou pas, mais c'est un mec qui fait vachement de choses à côté, quoi. Il Twitch, il stream beaucoup de jeux vidéo, il joue beaucoup à Fortnite, à toutes les sorties. Il stream beaucoup aussi de lui en train de faire des trucs de guitare. Il fait aussi donc des arts martiaux, comme tu disais. On peut souvent dans les vidéos d'avant-concert, tu peux le voir en train de s'échauffer et tout ça. Enfin, il fait de l'entraînement entre deux et puis après, il va jouer sur scène. Et c'est un mec qui a justement, il fait tout le temps des faces un peu rigolotes et c'est le premier à poster tous les montages photos avec sa gueule qui est mise à droite, à gauche, partout. Quoi. Il a beaucoup de second degré par rapport à ça et c'est vachement, il est vachement présent par rapport à sa communauté justement de fans de musique ou d'ailleurs. C'est vachement agréable parce que... Là, il est présent sur les réseaux sociaux. Voilà, il est hyper présent, mais surtout, il n'est pas en mode fermé ou dictateur comme pourraient être certains chanteurs de Machinette. Ou dédaigneux qui sont... Ou dédaigneux qui disent « Ouais, mais non, lui, il est le premier à dire « Tiens, prenez ma gueule, qui est machin. » Alors que c'est les faces qu'il fait sur scène, quoi. Donc, c'est son style à lui. Ça le fait marrer, quoi. Mais ça se voit que, il est sympathique, quoi. Enfin, il fait vraiment sympa, quoi, sur... Et je sais pas si c'est vrai ou pas qu'ils ont complètement arrêté une année de tournée juste pour qu'ils se consacrent au sport de combat. Ah, je sais pas, peut-être. J'ai lu ça. Peut-être. En fait, il voulait se mettre. Apparemment, c'est un féru de karaté et qu'il est très très bon dans ce qu'il fait au niveau karaté, on va dire. Et apparemment, il voulait se prendre une année juste pour se consacrer entièrement au karaté. Ah, je sais pas du tout. Et apparemment, peut-être. Le groupe était d'accord pour que lui fasse... Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas. On parle de groupe, mais il y a aussi beaucoup de trucs qui ressortent, comme c'est le leader, pas dictateur, mais je veux dire, il y a eu pas mal d'histoires sur le fait qu'ils virent des batteurs rapidement, sans qu'eux-mêmes soient trop prévenus. Il y a eu pas mal d'histoires comme ça, où lui, justement, a essayé de s'expliquer. D'ailleurs, c'est assez marrant comme les paroles du dernier album répondent un peu à ça, en disant, en gros, dans certaines chansons, vous me jugez, mais vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas pourquoi, mais vous me jugez sans me connaître. Et que lui n'est jamais trop forcément rentré dans le détail de tout expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que sur une période de 2 ans, il y a eu 3-4 batteurs, tu vois. Ah ouais, à la Spinal Tap. Bah un peu, mais du coup le dernier batteur quand même qui est assez merveilleux. Non merci ça. Qui est assez merveilleux. Ah bah ouais. Et plutôt quand tu m'as balancé Betrayer. Ouais. Il est plutôt merveilleux. Et pour la petite histoire, je l'avais sûrement déjà dit, mais je le répète, dans l'interview de la sortie de l'album, où justement il vantait le journaliste vantait les mérites du batteur, Matt était en train de dire que le producteur lui avait demandé de jouer moins bien. Parce que c'était trop parfait et que ça faisait presque pas crédible, quoi. Donc il lui a demandé de jouer un tout petit peu moins bien pour faire des pains. Tu joues très bien, mais pas aussi bien. Voilà, mais du coup, toi, tu as dit plein de trucs sympas sur le groupe, mais ce que tu as écouté cette semaine alors ? Moi, j'aime bien. Après, je ne suis pas un fan, je n'irai pas acheter un album. Ça ne me dérangerait pas de les revoir si le son est bon sur scène, parce que j'ai bien aimé ce que j'avais vu la première fois. J'aime bien écouter, ça ne me dérange pas. Et oui, on voit la différence entre les deux premiers albums, le troisième et puis la suite. Mm. On voit que c'est plus chanté. Après, musicalement, ça me convient plus ou moins. Ça ne me pose pas de problème. J'aime bien. Ouais, non, franchement. T'aimes bien. Mais tout, en fait. Mais tout passe bien. T'aurais pas forcément envie de plus approfondir. J'irai pas écouter de moi-même. D'accord. Voilà, pour me dire... Mais par contre, tu mets un album à la maison, ça ne me pose aucun problème. Très bien. Voilà. Eh bien, donc c'était pour Trivium, qui passeront le dimanche en Main Stage 2 pour la 100% trash, à côté de tous les autres groupes trash. Tout à fait. Voilà. Eh bien, je vais passer à mon dernier groupe, si ça ne te dérange pas. Bah si, un peu, mais bon, après c'est pas grave, fais, vas-y. D'accord, très bien, je m'excuse, je suis pas le mec. Je vais passer à Brutus, ou Timothée dans certaines versions françaises et Bluto dans sa version originale, qui est un personnage de fiction créé en 1932 par Elsie Chris Sigar. On peut dire un peu que c'est un pirate baraqué, mais il est plus connu comme l'antagoniste régulier de Popeye. C'est ça. Mais tout ça, ce n'est que pour votre culture personnelle. Ce soir, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que quand j'ai vu Brutus, que j'ai vu que c'était un groupe, un trio avec une fille et que ça allait passer en Warzone, j'étais plus que hypé. Ah ouais ? Bah ouais, je me suis dit un trio. Franchement, je vais te montrer la photo. Toi, t'es un mec du trio, toi. Non, mais je vais te montrer la photo que j'ai vue du groupe et tu vas dire, et quand tu dis quoi, ça passe en Warzone ? Alors avec Brutus. Un air un peu moins condescendant. Hein, Brutus, Warzone, ok. Déjà Warzone, ça me parle. Ah ouais, mais moi aussi, mais c'est vraiment la photo qui m'a fait dire « Ah tiens, je vois pas ce groupe en Warzone. » Ah bon ? Ah non, mais c'est pour ça que ça, vraiment, j'ai été... Putain, regarde. Voilà la photo que j'ai vue. Ah, effectivement, ouais. Je l'aurais plus en Valais, moi. Là, c'est pour ça. Ouais. J'ai vu ça, je vis « Warzone ». Très bien. Eh ben, j'arrive. Ok. ça me fait penser à un... Ah merde. Crippled Black Phoenix, je crois. Ah bon ? Mais physiquement. Ah bon ? Je crois qu'il y a une nénette, je crois. Non, non. Il n'y a pas de nénette ? Non. Dans Crippled Black Phoenix ? Ah, je ne pense pas, non. Vas-y. Ah bah écoute, je regarde ou tu regardes ? Attends, je vais regarder. Vas-y, parle. Parle. Bah c'est ta chronique de groupe. Ah bah oui, je croyais que tu voulais... Ah d'accord, parce que très bien. Eh ben, attends, parce que tu mets le doute là. Ah, bah, s'il y a une nénette dans Crippled Black Phoenix. Oh merde! Oui, mais regarde, c'est pas. Ah, bah oui, ils sont 12 000, forcément. Ok. Donc, Brutus. Pour revenir à ce que je disais, hein, la culture personnelle sur Popeye, c'est bien. Mais ce soir, ce qui nous intéresse, c'est Brutus, le groupe. Pardon. Le groupe belge originaire de Leuven. Groupe de hardcore, post-hardcore, mat-rock, punk-rock, avec pour particularité d'être un trio et en plus d'avoir une chanteuse qui est également batteuse. Je n'ai pas réussi à déterminer la date de création du groupe, mais je dirais aux alentours de 2013-2014, année où il commence à bien tourner. Brutus se revendique être entre Slayer et Savage. Les membres du groupe se sont rencontrés dans de précédents groupes. Stéphanie, la chanteuse-batteuse, a déjà joué avec Peter le bassiste dans Refused Party Programme, un hommage hardcore à Refused. Quant à Sting, bonsoir, le gratteux, il a également joué avec Steph dans le groupe Starfucker. Burst, leur seul album à ce jour, est sorti en 2017. Mais cette année devrait voir un second album car un nouveau single est dispo depuis le début d'année au titre clair comme une chanson de U2, War. Donc, que dire de Brutus, à part que c'était une très bonne surprise. Bonne surprise parce que justement, dans le sens où ça mélange autant de trucs que le hardcore, le post-hardcore, de temps en temps un peu de shoegaze, Et shoegaze. Ouais, un peu de shoegaze. Et en fait, ça fait un mélange assez intéressant parce que ça n'hésite pas à casser, à avoir des coupures et parfois même des grosses coupures qui peuvent être en fait... en fait, ma première réaction quand j'ai écouté War, c'est que ça commence très lentement avec une intro très calme où elle chante et tout. Et ça enchaîne directement, mais il n'y a pas de transition. Et la première fois, j'ai fait « Wow !» Tu sais, j'étais super impressionné. Et quand je l'ai réécouté une deuxième fois, en même temps, je me dis « Ouais, enfin, en même temps, c'est un peu facile. » C'est-à-dire, quand tu n'as pas de transition, il suffit juste que tu arrêtes ce que tu fais et que tu passes en mode énervé. Ouais. Mais du coup, ça marche, l'effet marche parce qu'il est direct. Ok. Tu vois ? Mais après, c'est hyper musical quand même. Il n'y a juste pas de transition sur cette chanson-là. En tout cas, mais elle est super agréable et tout. Elle passe super bien. Et en vrai, bah, le groupe a une bonne énergie quand même. Le fait, j'ai regardé aussi quelques lives pour voir, il n'y a pas du tout de, et je me demande comment elle fait, il n'y a pas du tout de coupure de respiration ou quoi que ce soit entre le moment où elle joue à la batterie et le moment où elle chante. Donc déjà, je suis toujours un peu impressionné quand je vois un batteur qui chante et qui n'est pas ni essoufflé ni rien, parce que ouais. faut tu vois, un minimum. Ça me fait penser au boys band. Les mecs qui arrivent à danser, faire des saltos, sur eux-mêmes, faire des loopings et des machins, et qui chantent en même temps. Ouais, oui, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça, sauf que bon, souvent, ils sont un peu... sont un peu aidés, ouais. Voilà, ils sont un peu aidés. Et donc du coup, musicalement, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, il n'y a qu'un album, donc t'as pas forcément beaucoup de matériel pour te faire une grande idée, t'as que ça. Mais je suis très curieux de ce qu'ils vont amener dans le deuxième album, vu que War était un premier extrait assez intéressant. Je serai sûrement devant la Warzone pour voir ce que ça donne en vrai, parce que je serai curieux de voir vraiment en contact physique, parce que les lives que j'ai vus étaient un peu intimistes, je dirais. C'était pas des lives dépouillés, comme j'ai pu voir justement des lives de Power Trip qui étaient dans des bars ou dans des espèces d'endroits où t'es au milieu des gens. Ouais. Donc, mais vraiment tout au milieu des gens. Donc là, c'était des lives un peu intimistes, parce que de temps en temps aussi, en plus, la musique de Brutus peut se prêter à ce côté aussi intimiste, parce que c'est pas justement que de la musique énervée. Donc je serais curieux de voir un vrai live avec eux. Brutus. Ouais, non, le nom est pas Il est pas fifou, le nom, comme tu dis, hein. Non, le nom est pas merveilleux, mais non, c'est assez intéressant. Je te conseille d'écouter. Ouais. Et donc je serai sûrement devant Brutus devant la Warzone le dimanche. D'accord. Voilà. Cool. Mais c'est très agréable et je pourrais de moi-même retourner écouter Brutus sans problème. J'ai bien aimé. En plus, comme il y a un album, s'il n'y en a qu'un pour l'instant, je pourrais l'acheter, parce que comme ça, j'aurai tout l'album. J'aurai tous les albums. Voilà ce que j'ai à dire sur Brutus. Okidoki. Eh bien, pour ma part, mon dernier groupe était Wolf Earth, ou Cœur de loup. C'est vrai. Tout est là, tout est ici. C'est ça. Presque. Pas le temps de tout lui dire. Ah, c'est ça, c'est mieux ça. Alors, je sais pas, Julien, il doit liker les... les yeux fermés. Ah parce merde, que... c'était ça ta blague. Ouais. Ah d'accord. Parce que j'avais posté en fait la chanson de Cœur de loup. Ah. J'ai vu que Julien avait liké. C'est un fan de grande musique, hein. Écoute. Ah bah peut-être. Après, comment c'est Philippe. Philippe. Moi j'ai Philippe Châtel, mais ça doit pas être ça. Non, c'est pas Philippe Châtel. Donc. C'est pas un politicard, ça. Est-ce que c'est grave? Non. Alors... Non. En soi, c'est pas grave. Rien n'est grave en même temps. Revenons-en à nos moutons, j'allais dire, mais non. Mais non, pas du tout. Parce que c'est un loup. C'est ça. Voilà. On s'arrête là ou... En coupe. Enfin, Non. Bon. Tu crois que je vais faire de la post-prod? Bah, bien sûr. Mais t'es un malade. Alors, donc attends, Wolf, tu vas me dire que t'as deux groupes, t'as rien à dire cette semaine? Wolf Art. Comment ça? Je sais pas. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi cette agression, cette violence? Je suis du matin. Ah, c'est ça. C'est ça. Je n'apprécie guère. Il y aura peut-être... Non, je... Je m'excuse, c'est vrai que c'était méchant de ma part. Alors, Wolfert, fondé en 2013. Oh putain. Donc, qui est un groupe plutôt récent. Plutôt récent, ouais. Donc, Wolfert est le projet musical de Tuomas Sokonen. Tuomas Sokonen est un compositeur, musicien, multi-instrumentiste, chanteur et producteur finlandais. Waouh! Voilà, donc le groupe est finlandois. C'est possible. Il est connu pour ses nombreux groupes, Before the Dawn, Black Sun Ion, Dawn of Solace, The Final Harvest et Rota Zeliu. Attends, juste je fais une petite aparté. Je te fais lire le truc, regarde. On me demande où ça en est. Qu'est-ce que c'est ? Bob est à sa dernière chronique. Ah bah ça va être rapide. C'est qui te demande quoi ? Ta colocataire ? Oui. Ah d'accord. Elle est sympathique. Eh ben voilà. Ça m'a coupé dans ta truc. Ça m'a coupé dans mon truc. Attends, je vais reboire un coup. Vas-y, vas-y. Bon, alors. C'était quoi ce blanc ? Tu peux pas meubler plutôt que de répondre ? Ben, passe. Ah. Excusez-moi. Wouh ! C'est pas sympa. Combien de temps ? En tout ? Ouais, là, tout de suite, là. Eh ben, épisode de 12, saison 3. Ok. Super. 1h29. Ah oh, bah c'est bon. Mais on est large. Ouais, on est large. Je par contre, il est 23h30. Ah déjà ? Oh merde. On est moins large. Il fait nuit. Ah ben, oh, j'aime pas rouler de nuit. Oh pardon. Je vous en prie. Alors donc, eh ben, voilà, tu m'as perturbé. Après de nombreuses années au sein de ces divers projets musicaux, dont les styles vont du death mélodique au death doom gothique, il décide de tous les arrêter afin de se consacrer à un seul, Wolfheart. Wolfheart. Un premier album autoproduit, Winterborn, sort en octobre 2013. En 2014, Wolfheart devient un groupe à part entière. Le deuxième album, Shadow World, sort en août 2015 chez Spinefarm Records. Puis c'est au tour de Tyris, je ne sais pas trop comment ça se prononce, de sortir en mars 2017. Constellation of the Blacklight sort en septembre 2018. À savoir que son premier album a été produit, entièrement joué et chanté par lui-même. Et il fait tous les instruments. Il était seul sur son album. Wow. Donc le mec est une bête. Ah oui. En plus d'être un monstre. Le mec doit faire 12 mètres de haut pour 112 000 kilos. Non, non, ça, enfin, tu le verrais physiquement, ah ouais, il est ultra impressionnant, quoi. C'est-à-dire un bœuf, quoi. D'accord. Et le mec est basse, batterie, guitare, chant. C'est une bête, quoi. Bah, il a pas le temps, en fait. C'est compliqué de se faire des amis, donc. C'est peut-être ça, ouais. Ah bah. Ah, je sais pas. Mais, bon, mais voilà, par quoi. Contre, il joue sur scène, il joue pas tout seul. Non, alors justement, c'est au vu du succès du premier album, ouais, et des critiques de, bah, des fans et de la presse, en fait, qu'il a. Bah, quelque part, un peu comme Zee Lennardor. C'est. Oui, c'est... oui, tout à fait. Sauf qu'il avait un ami qui faisait la batterie. Ouais, bah lui, c'est un ami qui faisait les solos de guitare sur son premier album. Tu vois, comme quoi, les amis, hein. S'ils se rapprochent un peu, à mon avis, peut-être y avoir rien du tout. Non. Et du coup, ouais, voilà, donc, bah, c'est au vu, justement, de ce que je disais. Me perturbe. Pardon, je suis désolé, j'arrête pas. Ça me perturbe déjà que Mélanie a. Non, mais je suis désolé, je n'arrête pas. Choses pas bien sympathiques. Je m'excuse. Et je ne sais plus. Donc voilà. Est-ce que t'as bien aimé ? Alors, j'ai bien aimé, oui. Bonsoir. Entrez. C'est ici la fête ? Ouais. On a la seule chaufferie où il y a une sonnette. Ouais, super. donc voilà. Donc oui, maintenant il joue avec un groupe à part entière. Hein. La question est t'as bien aimé ? Quoi ? La question c'était t'as bien aimé, toi tu reviens. Oui, oui. Alors aujourd'hui il joue avec un groupe. Bah, je sais plus moi dans tout ça. En fait, c'est pas moi qui joue. Je suis perturbé. C'est pas moi, c'est la bière. Hein ? C'est la bière, c'est pas moi. Mais c'est, bah, non, mais attends, tu me perturbes depuis tout à l'heure. T'as c'est, ça sonne. Regarde ce qu'on me met. Ah, bah, regarde. Attends, je vais te recadrer. Et donc, Bob Wolfheart, est-ce que tu as bien aimé ? Ouais, ça va, ouais. J'ai bien aimé et j'ai pas bien aimé. Voilà. Ça, c'est de la réponse qu'elle est. Ultra vague. Non, j'ai pas accroché plus que ça. Ça reste du black death metal. J'aime bien certains death, mais là non, c'est pas ma came. D'accord. Voilà. Sur le deuxième album ou troisième album, j'ai entendu un peu de piano. Je me suis dit s'il faut ça pour faire genre qu'on est un peu original, non. D'accord. Donc le morceau dure 6 minutes 36, t'as du piano, c'est du piano. Hein. T'as que du piano. Non, c'est au début, t'as une intro au piano. Ouais. Vraiment pur piano, c'est très très calme, très très doux, tu vois, c'est ultra doux. Et puis je me suis dit, oh, ça va partir en. Ça va couper net pour prendre un gros truc bien death metal, double pédale avec des riffs très, très saccadés et une voix. Ouais. Et ben ça n'a pas loupé, c'était exactement ça. Ça a coupé au bout de 2 minutes pour reprendre au piano, gentiment. Et c'est reparti sur. Enfin, tu vois, c'est assez prévisible. C'est comme, c'est un peu comme Walking Dead. Ah. C'est prévisible. D'accord. Donc, on ne l'a pas dit, mais. On n'a pas précisé. Wolf Heart passera le samedi sous la Temple. Bon, c'est pas une grosse surprise. Non, en soi, non. Et donc, est-ce que tu iras les voir ? Non, je pense pas. Non. Alors, c'est pareil, c'est comme, voilà, si je passe devant, je peux faire le curieux 10 minutes, le temps de refaire mon lacet, mais puis repartir. En gros, musicalement, c'était pas ça. Ça m'a pas accroché. D'accord. Okay. C'est bien, hein, c'est vachement bien joué. C'est, oui, tu penses, c'est propre, c'est pas pour toi. La prod est propre, mais non, c'est pas pour moi. D'accord. Après, voilà, c'est toujours pareil. C'est, le mec se démerde super bien. En sachant que le premier album, je l'ai écouté, s'il a fait ça tout seul, vraiment, bah ouais, chapeau. D'accord. C'est bien joué, mais moi, c'est pas ma came. D'accord, très bien. Ça manque d'humour. Voilà. Par rapport une petite blague entre par deux. Rapport à Insanity Alert. Ouais, parce que là, j'ai vraiment, sinon, vraiment sur le coup, je l'ai pris. Ça manque un peu de banane. Ça peut. Par rapport au métallique. Ouais, c'est ça. Eh ben, écoute, ça va être le moment de tirer nos groupes. Ouais. Ça va être le moment de tirer. Alors, qui s'y colle cette semaine ? À toi. Du coup, ce que je te propose, c'est de faire comme d'habitude. Ah, c'est toi, là. Ouais, dis donc, c'est moi. Alors, Bob, t'en es où ? Ça vient d'en haut ? Non. J'ai eu peur. C'est ta colocataire. Oh, t'as fini ? C'est bon ? Alors, attends, je te demande la demi-seconde. Hein, D'accord, donc c'était pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Voilà, très bien. Parce que je j'avais pas préparé en amont le prochain Google Doc. Donc ça va être compliqué sinon de... Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, complètement. Ok. T'es prêt ? Alors, tiens. Donc voilà, on va tirer les groupes pour la semaine prochaine. Là, je fais genre comme s'il y avait à avoir une coupe, t'es genre un truc propre, alors qu'il n'y en aura pas. Oui, bah oui, bien sûr. Donc on va donc lancer le tirage au sort pour les prochains groupes, donc 8 prochains groupes qui seront dans l'épisode 13. Wow, l'épisode, comme on aime à l'appeler... Celui qui porte 13. La poisse. Non, 13. D'accord. Donc je redis, j'espère tomber sur Alien Weaponry et Angel of Death. On est sur non, quoi, ou Death Angel, Death Angel, pardon. Ah ouais, carrément. Ah non, ouais. Ouais, alors, c'est parti. Ouh là là là là là là là là là. Like a Storm. Comme un éclair ? Ouais. Très bien. Comme le morceau de Doors. De ? Non, c'est pas les Doors. Si, peut-être. J'ai pas une très grande... pas un truc des Doors comme ça avec Like a Storm. J'ai pas une très grande culture en Doorsme. Ah ouais ? Non. J'ai été menuisier donc en même temps c'est pas. Oui, c'est. Alors, Hellhammer. Ok, d'accord. Bah parce que je le mérite sûrement. Parce que tu le vaux bien, mec. Je vois que ça. Hein. Bah ouais. C'est de ta faute en même temps. Bah je. Oula, oui, Hellhammer. Oui. Oui. Ah ouais, je. Je paye. Hein, pour... Ouh, The Ocean. Oh, tiens. Oh, dis donc, comme ça me parle. En plus, c'est sur du bleu, c'est rigolo. Pour l'instant, on part que. Hein, ah, sur bah, des... bah je sais pas. Hein, sur du petit bonheur. Hein. Hein, bah, petit bonheur, ouais. La chance, comme on dit. Oh putain, la vache. Ouh. Alors, My Sleeping Karma. Ah, bah oui. Ah. Ça, c'est de la vallée, ça, à tous les coups. Tu connais ou non mm-hmm. Ah, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire je les ai vus en 2012, je crois. T'es un mec des dates, toi. Hein. Ah, je ne sais pas. Est-ce que j'ai le choix dans la date ? Oh. Last Temptation. Bah, ça va être compliqué. Parce que ? Bah, parce que Last Temptation, aux dernières nouvelles, il n'y a rien, hein, je crois. Comment ça ? Bah. Je confonds ? Attends, tu remets-le parce que là, bah, clairement. Last Temptation, c'est pas un groupe de cette année ? C'est pas un groupe de cette année. Je comprends pas ce que bah, tu c'est dis. Un groupe qui vient de se créer. T'es sûr de ton truc là ? Pas du tout. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, non, mais c'est quoi, qu'est-ce que j'étais en train de me dire ? Attends. Last Temptation. Tape dans. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un groupe que je vais pas. Tape dans. Liker. Tu tapes dans Spotify. Ouais, ouais. Je lance mon groupe en attendant. Vas-y, lance ton groupe en attendant. Hop. Bloodbath. Eh bah, écoute. Ah, bah, tiens. C'est toujours sympa. Avec la comtesse de batterie, tout ça. Ça c'est cool. Ah, mais ça, je. Ah, tu tapes vite, c'est bien. Ça va, tu tires ton dernier groupe en attendant. Je l'ai. Tu l'as ? Last Temptation. Oh bah ouais. Single et EP. Oh bah putain, ça va être vite fait, hein. Bah oui. Ouais, moi je voyais ça plus vieux. Moi. Ah bah, de mémoire, non. Me First and the Games. D'accord. Attends, ah non, si, non, mais attends, si, attends. Attends. Ah bah. Oh là là. Si, si, si, c'est vieux. Oh là là. Si, si, c'est vieux. Bah oui. Bah si, c'est vieux. Bah oui. C'est ce que je me disais. Je ah, connais d'accord. ce nom depuis longtemps. Bah, j'ai confondu, excusez-moi. Ah bah, je crois, ouais. Ah oui, non, non. Bah oui, en même temps, il n'y a quand même qu'un album. Hein. Oh putain, salaud. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai, moi ? Tu me les balanceras ? Non, oui. Tu seras mignon tout plein. Bah oui, puis ça t'arrange. Oui, surtout. Clairement. Ah, clairement. Alors, Stinky. Bah écoute, je parle. Stinky Bridges. Voilà. Donc, comme toujours, notre professionnalisme a su nous montrer que nos connaissances dépassaient l'entendement. Bon. Ah non, ça dépasse rien du tout. Hein. Donc, c'est donc la fin de cet épisode 12. On se retrouve potentiellement la prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Ah, non ? Quoi ? Rien du tout. Si, tu me fais des signes. Non, non, non. Est-ce que c'est le genre de truc que tu vas me dire après Pas du tout ? Non. D'accord. Que nenni. Ok. Eh bien, on arrête là pour ce soir. Ce serait pas mal. Et on se retrouve dans le prochain épisode où on parlera de tous ces nouveaux groupes. Ça va être chouette. Ça va être très sympa. Yeah. Et du coup, bah, comme d'habitude... On vous aime. Et on vous emmerde. À la prochaine. Bisous. À la prochaine. Pardon. À la semaine. Eh bien, rendez-vous pour le 4 à la suite. Bah, écoutez. Bon, on vous aime. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. Et rendez-vous. Pour les 4 à la suite. Le 4 à la suite. Le 4. Allez. Okay. On vous aime. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. Et rendez-vous. Pour le 4 à la suite. Yeah. Yeah, métal. Oh non. Ah, je suis désolé. On y était là. Je suis désolé. C'est pas possible. Ouais, ça m'a de voir trop ça. Fait penser à un début de chanson de. Ah merde! De Cypress Hill. D'accord. Je sais pas pourquoi. Yeah, metal. Ok. Tu vois, je sais pas. Tu vois. D'accord. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant, je le cache pas, mais d'accord. Parce que. Mais pas, tout ça. Ah oui, d'accord. Bon, allez, on se casse, on arrête. Ouais, vas-y, coupe. Salut! On va les bouffer.